Bonjour à tous, bienvenue dans Upcast, le Upcast numéro 10, le Upcast de la joie, de la bonne humeur, le Upcast qui parle de techno, de cinéma, divertissement et autres, d'art ludique, jeux vidéo, et c'est tout. Des conseils. Merci Julien, je suis un peu à l'ouest. Il y en a un qui écoute. On a un auditeur. Upcast un peu spécial ce soir, puisque d'habitude on l'enregistre le lundi ou le dimanche, et cette fois-ci il est mardi. La nuit est tombée depuis longtemps, les loups sont sortis. On va essayer de rester éveillé jusqu'à la fin de l'émission. Mais voilà, vous trouverez donc ce podcast un peu plus tard que d'habitude sur vos lecteurs de podcasts habituels, et nous en sommes désolés, c'est exceptionnel. Grégoire, comment ça va? Ça va bien. Julien, comment ça va? Ça va un peu enrhumé, mais ça va. J'espère que je n'aurai pas trop parlé du nez, mais sinon, bon, je vais essayer de m'en sortir. Tu parles comme un dieu, c'est parfait. C'est gentil. On va commencer tout de suite notre Upcast par la rubrique techno. La rubrique techno, je vais donner la parole à Grégoire qui veut nous parler du web français. Ouais, le web français, ma news que j'ai intitulée « Le web français déconne-t-il ? » Forcément, vous avez tous plus ou moins entendu parler de ce qui se passe en ce moment autour de toutes les lois qui sont en train d'être réfléchies pour notre beau pays qui est la France. Et je vais parler de trois points qui me font un petit peu peur, un petit peu froid dans le dos. Alors le premier, c'est le blocage administratif des sites web. Vous en avez peut-être entendu parler. Hein, le 16 mars, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'ils avaient procédé au blocage administratif de 5 sites accusés de provoquer des actes terroristes ou qui font publiquement l'apologie d'actes du terrorisme. Donc ils ont été fermés parce que donc accusés d'héberger du contenu djihadiste. Et là, le principe, c'est qu'au lieu de supprimer le site, ce que seul l'hébergeur peut faire, le système mis en place par le ministère de l'Intérieur permet de rediriger en fait l'internaute vers une page web d'avertissement. Ça, c'est le principe. Et très rapidement, sur ce première chose, le blocage administratif des sites web, on a eu pas mal de cafouillages, 5 cafouillages que j'ai notés. Hein. Déjà, tous les fournisseurs d'accès n'appliquaient pas le blocage, hein, à savoir qu'il y avait par exemple Orange Business, Numéricable ou Iliad qui n'ont pas appliqué le dispositif du gouvernement. Donc ça c'est déjà le dispositif s'est heurté à la mauvaise volonté des fournisseurs d'accès à Internet. Deuxième cafouillage, c'est que un des 5 sites a rapidement suscité des réactions. Donc Numérama a rapidement réagi en demandant pourquoi on trouvait islamicnews.info parmi les 5 sites. Et ils s'inquiétaient déjà du blocage, des limites du blocage administratif qui, je le rappelle maintenant, se fait sans l'intervention d'un juge. Hein. Donc c'est la police qui directement décide de bloquer un des sites. Et Numérama a disait qu'il n'avait rien trouvé de probant sur la prétendue apologie d'actes de terrorisme sur ce site-là, ni dans ses archives publiques, ni sur sa page Facebook, qui a été aussi censurée. Hein. Donc déjà, Numérama commençait à regretter que personne n'avait pu trouver la moindre preuve de ce que islamicnews.info diffusait. Donc, est-ce que c'était une censure politique? On ne sait pas. Voilà, c'est ce que laisse sous-entendre Numérama. Le troisième cafouillage, c'est l'effet pervers inattendu, un peu, que ces blocages ont provoqué, puisque ça a conduit à la médiatisation d'autres sites djihadistes qui sont encore en accès libre pour de nombreux internautes, hein, donc c'est notamment ce qu'on appelle l'effet Streisand hein, dans le milieu, quand on pointe quelque chose du doigt alors qu'on voulait le cacher et puis du coup tout le monde en parle. Quatrième cafouillage, les blocages sont quand même relativement faciles à contourner, hein, puisqu'on a vu qu'il suffisait par exemple d'accéder en page en cache ou alors d'utiliser des serveurs DNS alternatifs ou encore de passer par Tor par exemple pour pouvoir accéder à tous ces sites. Donc on va dire tous ceux qui sont un petit peu motivés, ça va aller relativement vite à contourner. Et puis le cinquième cafouillage, c'est les cafouillages sur le site, sur l'aspect international de cette news, on va dire, puisque au niveau international, notamment, je citerai Glenn Greenwald, qui est le journaliste qui a révélé toute l'affaire Snowden, qui lui a commenté ces fermetures en disant le fait que le ministère français de l'Intérieur bloque unilatéralement des sites web est la nouvelle étape logique dans cette attaque croissante contre la liberté d'expression menée par les gouvernements occidentaux au nom de la lutte contre l'extrémisme et le radicalisme. Donc on est du côté de ceux qui bloquent la liberté d'expression, donc c'est peut-être pas exactement ce qu'on voulait à la base en fermant ces sites. TechDirt également redoutait de leur côté en plus qu'il y avait quelque chose de pire à venir sous la forme d'une nouvelle loi, et c'est ce deuxième point qui m'avait un peu fait froid dans le dos sur le web français cette semaine. C'est le projet de loi sur le renseignement. Hein. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer d'aller un peu plus vite en disant que c'est un projet de loi qui a pour principe d'essayer de mieux lutter contre le terrorisme, surtout de rendre légal tout ce que fait un peu le renseignement français par une loi. On va dire le rendre dans un cadre légal. Donc ce que prévoit la loi notamment, c'est pouvoir contraindre les fournisseurs d'accès à Internet à détecter par un traitement automatique une succession suspecte de données de connexion. Donc en fait, c'est installer une boîte noire chez les fournisseurs d'accès d'accès à Internet pour surveiller le trafic. Il y a la surveillance des métadonnées. On peut, dans la loi également, est prévu un allongement à 5 ans de la durée de conversation des données collectées. Il y a également ce qui est prévu dans la loi, obligation pour les éditeurs de donner les clés de chiffrement à l'État, donc les backdoors, les fameuses backdoors dont tu avais déjà parlé plusieurs fois, Stan. C'est ça. Là, ça serait obligatoire pour eux de donner l'accès au gouvernement. Et en plus, alors dans cette nouvelle loi, il y a pas mal de choses d'autres qui sont incluses, notamment le fait de pouvoir appliquer les interceptions de sécurité au-delà du terrorisme, hein, puisqu'on parle de sécurité nationale, entre guillemets, et on est cité dans la loi le fait de pouvoir espionner pour préserver les intérêts essentiels de la politique étrangère et les intérêts économiques et scientifiques de la France. Donc, ce qui ouvre clairement la voie de l'espionnage économique et politique, hein, pas uniquement à des fins antiterroristes. On retrouve aussi des choses que vous connaissez peut-être si vous suivez un peu la techno, comme les IMSI catchers, donc qui permettent en fait de récupérer, d'aspirer toutes les flux de données dans une zone géographique donnée. Hein, il suffit de poser un appareil et ça aspire tout autour. Et puis les mouchards type Keylogger, donc qui détectent tout simplement ce que vous tapez sur votre clavier en direct. Donc voilà, tout ce genre de choses est à nouveau dans la loi et serait légal. Bon, bien sûr, Matignon dit ben, « Non, non, mais on va mettre une commission pour étudier qu'on ne va pas aller trop loin dans le débordement, etc., dans la collecte de données. » Voilà, mais bon, globalement, cette sécurité, on va dire, donc, qui est apportée par la... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, la Commission nationale de contrôle des techniques et de renseignement, est un peu critiquée. Justement, je reviens aux controverses de cette loi, hein, puisqu'elle est en train d'être débattue. En ce moment même où on parle, elle est déjà passée devant les ministres, etc. Et il y a déjà des voix discordantes qui se font entendre. Logiquement, je parlerai de la quadrature du net, hein, qui pourfend l'instrumentalisation sécuritaire des attentats contre Charlie Hebdo et qui parle d'une incroyable dérive du gouvernement en matière de surveillance des citoyens et qui dénonce aussi le rythme d'enfer avec lequel le texte franchit les différentes étapes de la procédure législative sans que personne n'ait le temps, en fait, vraiment de s'y plonger plus que ça, quoi. Donc ça, c'est pour la quadrature du net. Il y a le CNIL, la CNIL qui n'a pas réagi officiellement, mais qui a quand même eu des propos vis-à-vis de cette loi et qui a dit que l'automatisation de la détection des comportements suspects fait craindre des dérives, puisque l'anonymat des données collectées peut être en plus levé en cas de caractérisation de menace terroriste. Pardon. Donc la CNIL toujours parle de conséquences particulièrement graves sur la protection de la vie privée et des données personnelles, et parle de surveillance de masse, hein, notamment. Donc c'est quand même des mots assez forts. Le Syntec numérique a également critiqué ce projet de loi en disant que ça va considérablement réduire l'attractivité de notre territoire aux yeux des entreprises du secteur de l'IT, et parle de mesures liberticides également. Le Conseil national du numérique, qui a fait part de son inquiétude et qui a parlé également d'une extension significative du périmètre de surveillance avec des champs aux contours flous, et même l'ARCEP, hein, par exemple, ceux qui font la réglementation des télécoms, on va dire, hein, globalement, qui dit bah oui, en plus, tout ça, ça pourrait avoir des impacts sur la qualité des réseaux, tout simplement, la qualité des services de communication électronique. En gros, les réseaux pourraient complètement ramer beaucoup plus, en plus, avec un système comme ça qui analyse les métadonnées en permanence via les boîtes noires. Donc tout le monde est un peu contre cette loi, mais tout le monde est quand même assez pessimiste, à savoir que c'est la quadrature du net qui le dit, hein, ils sont quasiment sûrs, en gros, que cette loi va passer de toute façon, quoi. Parce que le rythme est justement tellement rapide pour la passer qu'on n'aura pas le temps, nous, société collective, société civile, de faire quelque chose pour qu'elle ne passe pas. Après, il faudra peut-être voir au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, puisqu'au niveau de la commission, de la Cour de justice de l'Union européenne, on a aussi des lois qui, là, sont exprès pour lutter contre la conservation des données, par exemple, ou contre l'observation en masse d'internautes. Donc il est possible que même si cette loi passe en France, elle se fasse après retoquer au niveau international, au niveau européen. Donc ça, c'est à suivre de près. Et la troisième chose qui fait que je trouvais que le web français déconnait un peu et que je m'en inquiétais un petit peu pour ce podcast, c'est la charte sur la publicité en ligne. Donc on a un peu moins entendu parler de cet aspect-là sur Internet. C'est lundi 23 mars, le ministère de la Culture qui a rendu public donc la version finale de la charte des bonnes pratiques dans la publicité pour le respect du droit d'auteur et des droits voisins. Et en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle manière de lutter contre le piratage, hein, tout simplement. Donc ça prévoit la mise en place d'une liste noire privée de sites contrevenants établis par les ayants droit avec lesquels les professionnels de la publicité en ligne s'interdisent d'engager des relations commerciales. En gros, derrière ce petit paragraphe un peu législatif, légal, on va dire, le principe, c'est tout simplement de couper les ressources financières, hein, des pubs sur les sites qui posent des problèmes aux ayants droit. Et alors là où ça a un peu inquiétant, cette charte sur la publicité en ligne, c'est que ça confirme un petit peu les craintes exprimées par la Quadrature du Net depuis déjà plusieurs mois, à savoir que on va dans un système dans lequel l'identification des sites qui font, voilà, qui sont dans l'illégalité, est déléguée aux acteurs de la publicité et non pas à la justice. Donc c'est là, eux, les acteurs de la pub, qui vont dire, nous, on pense que ce site-là, il est dans l'illégalité et donc on le met sur une liste noire et du coup les gens ne pourront plus, ou on s'engage à ne plus mettre de pub dessus. Donc on squeeze complètement tout ce qui est tribunal, loi et voilà, tout ce qui pourrait être ce qui fait qu'on est quand même dans une démocratie. Donc c'est très très inquiétant, surtout que voilà, chaque régie publicitaire pourra en plus faire sa propre liste noire sans être tenu de la révéler. Donc ils pourront mettre ce qu'ils veulent dessus, c'est eux que ça regarde entre guillemets. Donc là on est voilà, je citerai encore une fois la Quadrature du Net. Voilà, ça marque encore une étape inquiétante dans l'institution d'une véritable police privée du droit d'auteur. Donc ça fait quand même trois news, trois grosses choses en deux semaines qui font un petit peu froid dans le dos. Et partout, en plus, à l'international, on est très critiqué sur ces trois aspects. La loi n'est pas encore passée, mais ça ne saurait tarder. Je pense qu'on va en entendre parler au niveau européen quand elle sera passée, parce qu'on est en train de se transformer sous couvert de lutter contre le terrorisme et ce genre de choses. On est en train de se transformer en inverse, quoi, dans quelque part où il y a une liberté d'expression sur Internet qui est largement contrôlée par le gouvernement, donc assez inquiétant. Voilà pour ma news. Voilà, l'ambiance est donc à son maximum. On va peut-être s'arrêter là. Hein. Bon, j'ai un peu plombé le début du podcast. Voilà. Hein. Maintenant, on peut aller que vers le meilleur. Non, mais Greg, t'as raison de souligner tout ça. J'y tenais à ce sujet. C'est un peu lourd. Ça prête à débat, en fait. Si on partait dans le débat, on risquerait d'en parler pendant des heures. Mais... Ouais, c'est peut-être pas le lieu parce que la loi n'est pas encore passée, etc. Mais il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. C'est un peu inquiétant. Il y a des choses plus inquiétantes que d'autres. Les pubs pour les sites... Pirates, ça m'inquiète pas spécialement. Ça inquiète un peu moins pour l'instant la société civile. Ça n'engage à rien. Et... Non, c'est vrai que la loi, par contre, sur le renseignement. La loi sur le renseignement, ça me fait un peu mal, mais bon. Ça, je pense qu'on va en entendre largement parler dans les mois qui viennent. Oui, largement. Voilà. On y reviendra. On y reviendra si on a plus de précisions, si la loi avance ou recule, justement. On va passer à quelque chose d'un peu plus léger, Julien. Est-ce que tu nous voulais nous parler de le logiciel malveillant? Je te prends de court là ou... Non, pas du tout, mais comme tu dis que c'était un peu plus léger. C'est pas vraiment léger, c'est pas beaucoup plus léger. Non, en fait, c'est une news qui m'a un peu surpris. On a pu s'apercevoir qu'en fait, Apple avait supprimé tous les antivirus qui étaient présents sur l'App Store et ils avaient même retiré la catégorie en question. Alors c'est vrai que l'idée reçue comme quoi iOS est plus sûr qu'Android, c'est quand même une idée qui est assez répandue, pour le coup qui n'est pas totalement fausse, puisqu'en fait on recense moins d'attaques de logiciels malveillants sous iOS que sous Android. Ça c'est quand même un fait avéré, sauf qu'apparemment c'est en train de changer. Et les logiciels, en fait, tous les logiciels malveillants qui visent iOS aujourd'hui ressemblent beaucoup à ceux qui visaient Android en 2010. C'est en fait Kevin Maeffey, le directeur technique de Lookout, qui est une société de protection informatique spécialisée dans les mobiles, qui a déclaré justement que c'était seulement le début des attaques contre iOS. Et il dit qu'en 2015, ce sera une année où on verra déferler une nouvelle vague d'attaques iOS qui changera fondamentalement le paysage des menaces sur cette plateforme. Alors c'est vrai que sa société est basée, axée sur la lutte contre, pour la sécurité sur les mobiles. Donc peut-être aussi qu'il prêche un peu pour, je pense. pour sa paroisse, mais bon, il fait aussi ça sous Android. Donc voilà, comme je le disais, c'est vrai que le nombre d'utilisateurs touchés par les logiciels malveillants reste plus important sous Android. Mais on peut se demander finalement si tout ça est une bonne décision d'Apple de retirer l'intégralité des antivirus de son App Store. On sait pourquoi ils l'ont fait, tu sais, ou... Non, pas du tout. Non, d'accord. Bon, c'est une décision unilatérale. On a l'impression que c'est un peu le saut de la foi. Hein. C'est... Oui, alors, moi qui veux le lancer, justement, pour le coup, j'ai pas vu d'autres informations sur ça. Je regarderai un peu ce qu'il en est là sur cette semaine pour voir si ça a été complètement retiré, si c'était simplement une erreur ou alors ils ont pris conscience que finalement, il peut y avoir quand même des menaces et que c'est pas forcément une plateforme totalement sûre. Voilà. Bon, affaire à suivre, c'est pas inintéressant. Je vais vous parler rapidement de YouTube qui a évolué un tout petit peu cette semaine. Vous vous souvenez sûrement, on a parlé longuement des casques de réalité virtuelle. Mm-hmm. Et YouTube a mis en place un petit système, d'ailleurs je crois que Facebook a fait pareil, mais Greg nous en parlera, qui nous permet de regarder des vidéos tournées à 360 degrés. Alors ça donne une impression assez bluffante. Je vous conseille d'essayer si vous pouvez sur votre téléphone. Ça marche sous Android, je sais, ou avec un navigateur Chrome. C'est des vidéos en fait où si vous bougez pas votre ordinateur ou votre téléphone, vous avez l'impression de regarder une vidéo normale, sauf que quand vous vous déplacez dans la pièce, votre vidéo se déplace avec vous. C'est-à-dire que vous pouvez tourner la tête et voir de l'autre côté ce que filme la caméra. Et c'est assez bluffant pour la première expérience. C'est totalement bluffant. Hein. On a l'impression de regarder un casque. Enfin, dans un casque. Ouais, pour ceux qui n'ont jamais essayé un casque de réalité virtuelle, effectivement, je vous conseille d'aller le faire avec votre téléphone. On peut s'approcher légèrement de ça parce que c'est évident. Vous le mettez devant les yeux, pas trop loin. Voilà. Vous faites votre propre casque en carton. Et vous tournez sur vous-même. Non, vraiment, c'est pas mal en fait. Voilà. Moi, ça m'a fait. Alors après, je vois pas trop de l'intérêt plus que ça, mais ça m'a fait sourire, ça m'a amusé. Je suis curieux de voir ce que des gens créatifs peuvent faire de cette chose-là. Donc voilà, sur YouTube, donc essayez. J'imagine que si vous tapez vidéo 360 degrés, vous tomberez sur des exemples. On mettra un lien sinon sur le site. J'ai un lien et puis il commence à y en avoir beaucoup. Et enfin, YouTube a juste pour dire, a annoncé que maintenant, ils pouvaient lire les vidéos 4K 60 images secondes. Bon, bah c'est bien. Voilà, c'est une bonne avancée sympathique. On n'a plus qu'à avoir des écrans 4K, quoi. Oui, voilà, ça c'est encore autre chose. Mais Greg, tu voulais nous parler de... Alors, quelle news tu veux évoquer? Je ne sais pas, Facebook. C'est toi qui le dis. Facebook, allez. D'accord. Alors, voilà. Attends, je prends mon papier. Je t'ai aidé, Facebook. Je ne sais plus bah à quel justement, tu veux parler. Justement, ouais, tu viens d'en parler de Facebook. Il y a eu beaucoup d'activités du côté de Facebook. Alors, je ne vais peut-être pas tout redire dans tout ce que j'ai dit, mais déjà, je vais commencer justement sur l'aspect vidéo, parce que je vous en avais parlé il y a plusieurs podcasts déjà. Il semble que la stratégie de Facebook se recentre de plus en plus sur la vidéo. C'est normal, hein, puisque c'est là où ils gagnent le plus d'argent. C'est le plus créatif pour eux. Et effectivement, là, ils ont fait... il y a eu la fameuse conférence F8, hein, donc ils font tous les ans une espèce de conférence où ils font leurs principales annonces. Et là, ils ont annoncé pas mal de fonctionnalités intéressantes du côté des vidéos, parce que maintenant, il va être possible de restreindre l'audience d'une vidéo par rapport à l'âge, par exemple, par rapport à la localisation, par rapport au genre de la personne qui va regarder la vidéo. Il va être possible de publier une vidéo sur une page sans la diffuser sur le fil d'actualité. Il va être possible de définir une date d'expiration pour une vidéo, par exemple. On va pouvoir aussi gérer des playlists, on va pouvoir gérer des vidéos qu'on veut mettre en avant, on va pouvoir personnaliser la vignette d'une vidéo, on va pouvoir mettre des sous-titres en différentes langues. Voilà tout ce que Facebook a proposé. YouTube, quoi. Exactement, YouTube. Et surtout, le point d'après est encore pire, peut-être encore une plus mauvaise nouvelle pour YouTube, puisqu'ils ont mis en place, ça paraît peut-être tout bête, mais un code embed, hein, donc qui permet tout simplement d'intégrer vos vidéos que vous avez publiées sur Facebook, n'importe où d'ailleurs sur Internet, comme dans un article de web ou voilà sur un blog, hein, par exemple. Alors avant, on pouvait le faire, mais on voyait encore le cadre Facebook un petit peu moche qui pouvait un peu casser votre design dans votre site. Là maintenant, non, ça fait vraiment juste la vidéo, et puis vous la paramétrez comme vous voulez. Donc ça devient vraiment un lecteur à part entière comme YouTube. Donc grosse évolution qui paraît assez importante en plus de ça. Bon, et puis tu viens d'en parler Stan, mais comme tu le disais à l'instant, Facebook va aussi prendre en charge les vidéos immersives à 360 degrés avec possibilité de choix de langue de vue et tout ça compatible avec l'Oculus Rift. Hein. On rappelle que Facebook avait acheté Oculus Rift et que d'ailleurs on a cru avoir la confirmation de la sortie de l'Oculus Rift cette année lors de la conférence de Facebook, puisqu'il y en a un qui a dit, voilà, il y a un des responsables de Facebook qui a dit vous serez capable de jouer à d'incroyables jeux en réalité virtuelle cette année. Donc là, voilà, les gens sont un peu enthousiasmés. Et puis finalement, après, au New York Times, il a dit la technologie de réalité virtuelle aboutira en 2015. J'ai pas dit que ça sortait en 2015. Donc les rumeurs comme quoi ça serait repoussé à 2016 commencent à peut-être trouver de plus en plus de fondements. Facebook, ils ont aussi annoncé pas mal d'autres choses. Alors ce qui m'intéressait moi aussi, c'était la plateforme de news, un peu comme Google News à l'époque. Hein, on avait parlé notamment quand Google News avait eu des problèmes en Espagne. Ils seraient en train, Facebook, de nouer des partenariats avec une douzaine de médias américains pour directement héberger leur contenu en fait sur le site Facebook. Donc c'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, vous n'irez plus sur une autre page, vous resterez dans Facebook et vous irez directement votre article. Donc, pour Facebook, c'est bien plus intéressant, vous restez sur le site, ils récupèrent tout ça. Par contre, moi, c'est la question que je me pose, c'est pour les éditeurs de contenu, je vois pas trop l'intérêt. Ça m'a laissé un peu perplexe, hein, puisqu'ils auront, en gros, l'internaute, quand il va cliquer sur vos liens, si vous êtes BuzzFeed, par exemple, hein, qui est dans le groupe, dans ceux qui feront la négociation, bah, vous irez plus sur BuzzFeed pour consulter les articles, donc vous verrez plus les pubs qui est sur BuzzFeed, donc BuzzFeed n'aura plus vos statistiques, donc c'est Facebook qui va garder tout ça, donc je suis assez dubitatif là-dessus. Ouais, c'est bizarre, hein. Ou alors le partage des revenus publicitaires par Facebook sur les gens. Il y a peut-être un accord financier derrière, j'avoue que là-dessus, on n'en sait pas plus. C'est le New York Times qui a sorti cette info, puisqu'ils font partie justement des groupes qui sont en train de discuter avec Facebook. Facebook qui va aussi peut-être développer une appli pour remplacer le dialer sur votre téléphone, donc tout simplement un peu le truc qui vous permet d'appeler les gens. Hein. Donc ils prennent contrôle de plus en plus de ça aussi, puisque quand vous allez composer un numéro, vous pourrez le faire directement par Facebook Phone. Donc c'est le projet pour l'instant qui s'appelle comme ça. Et ça permettra bah, de avoir directement les infos de votre contact au moment où vous l'appelez, etc. Vous pourrez aussi filtrer en fonction d'un contact. Si vous le bloquez, il ne pourra pas vous appeler, etc. etc. Donc là, on voit que Facebook pense à l'avenir. Et justement, sur l'avenir, ils ont fait aussi des petites annonces qui étaient assez marrantes. Alors déjà, c'est le fameux projet Aquila de Facebook. Hein, donc c'est le fameux drone dont je vous avais parlé quand je vous avais parlé d'Internet de l'espace avec Google qui envoyait des satellites partout, etc. Là, c'est le drone de Facebook qui permet bah, de fournir voilà, un accès Internet dans des zones isolées, qui a réussi son premier vol. Ça a été annoncé, qui était au-dessus du Royaume-Uni, donc premier pas vers quelque chose de, un projet bien plus important. Et puis ils ont parlé un peu d'intelligence artificielle. Alors certains en ont peur, on voit souvent des petits articles là-dessus sur Internet. Et là, Facebook, il travaillerait actuellement sur une technologie baptisée réseau de mémoire et qui permet aux machines de contextualiser un texte, une image, de sorte à pouvoir répondre à des questions relativement sophistiquées sur un sujet donné. Donc c'est un premier pas, il faut voir comment ils vont l'exploiter ou comment ça va être utilisé. Mais j'ai trouvé ça relativement intéressant que Facebook commence à proposer ça. Ça va certainement jouer quand vous allez bah, uploader des photos, ce genre de choses. Ils vont les analyser encore plus finement prochainement. Donc voilà, la stratégie de Facebook à suivre de près. Facebook étant son empire tentaculaire. Ouais, et notamment par la vidéo. Donc YouTube, tenez-vous bien. Bon, Julien va complètement changer de sujet. Tu voulais nous parler d'une montre? Oui, en fait, Stan, je ne sais pas si tu étais en Suisse il y a 2 semaines. Non, j'étais au Royaume-Uni. J'étais au Royaume-Uni. Bah, si tu avais été en Suisse, tu aurais pu te rendre au Baselworld. Donc le Baselworld, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est le salon de la joaillerie et de l'horlogerie. Donc pas vraiment en fait le genre de salon où on s'attend à avoir des annonces sur des montres connectées, sur des montres, oui, mais pas forcément des non, montres connectées. Pas vraiment, ouais. Et en fait, TAG ER, donc l'horloger suisse qui est assez connu et pour le coup assez réputé, a donné en fait une conférence de presse pour annoncer la sortie d'ici la fin de l'année de la première montre connectée de la marque. Et en fait, TAG ER s'est associé pour l'occasion avec Intel, qui s'occupera en fait du on va dire du cœur de la montre, et avec Google qui va fournir en fait son système d'exploitation Android Wear. TAG ER, lui, va juste se concentrer sur l'intégration et le design. En gros, ils vont faire tout ce qu'ils savent faire et ils vont laisser à Intel et à Google de ce qu'ils savent pas faire. Donc pour le coup, c'est plutôt une bonne répartition des rôles. Ils vont pas non plus s'immiscer dans tout ce qui est électronique. Et donc selon Jean-Claude Bivert, qui est le président de TAG ER, cette montre connectée devrait reprendre en fait les codes esthétiques du modèle Sport Carrera. Donc ça, c'est le modèle, un des modèles haut de gamme que possède Greg, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Avec, mes 3 Apple Watch. Ouais, ça doit être beaucoup plus cher que... Et ta Bible Time. Et ma Pebble Time, ouais. Ça doit être beaucoup plus cher que... je pense aussi. Le modèle Sport Carrera, je pense qu'il doit coûter quand même assez cher. Ah bon, ouais. Avec, par contre, forcément, il y aura un écran tactile par rapport à la classique Sport Carrera. Donc pour le coup, on n'a pas de prix et pas de détails des fonctionnalités. Jean-Claude Biver, donc le président, a juste déclaré que la Silicon Valley et la Suisse, vont conquérir le marché de la montre connectée. Donc ils ont des grosses ambitions. Voilà, c'est assez étonnant de voir une marque comme TAG ER, qui est une marque d'horlogerie assez classique, se lancer dans les montres connectées. Ça montre que la connexion des montres, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, quoi. Ils en ont conscience, en tout cas. C'est peut-être même une question de survie, hein, peut-être. Enfin, je ne sais pas encore quel succès ça aura. Voilà, de toute façon, les montres sont devenues un peu désuètes depuis les smartphones. Et raison de plus, c'est devenu un objet de luxe. Quoi. Je ne sais pas si pour TAG ER, ça sera une question de survie, parce qu'ils sont vraiment dans l'horlogerie de luxe. Voilà, ils sont sur un autre, on va dire, sur vraiment un autre marché, qui, à mon avis, n'est pas menacé par les montres connectées. Mais je pense pour eux, c'est aussi intéressant d'avoir un pied dans ce. Justement, pour peut-être proposer de la haut de gamme, des montres connectées haut de gamme, qui pourrait être aussi un marché. Là, je suis un peu déçu, c'est que tu dis que ça sera donc sur un écran tactile. Donc ce n'est pas avec une aiguille. Enfin, il n'y a plus tout le mécanisme qui fait justement peut-être le côté appréciable d'une montre haut de gamme. Après, il faut voir ce qu'elle va ressembler. Il y a aussi juste un dernier point, c'est qu'on ignore si la montre va pouvoir bénéficier du fameux label Swiss Made, parce que c'est un label où il faut en fait que 60% de la valeur des composants viennent de Suisse. Donc là, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a aussi des choses qui sont faites donc aux États-Unis par Intel. Par Google. Et voilà, donc ils sont en discussion apparemment pour voir s'ils ne pourraient pas étendre ce label à des choses qui seraient fabriquées ou qui seraient produites ou qui sortiraient en Suisse. Je dis bêtise. Moi, je dis bêtise. Ouais, moi aussi. Donc voilà, pour le coup, on verra. On verra aussi comment ils vont se positionner en termes de tarifs. C'est 125 000 euros. Non, mais c'est surtout savoir quel marché ils vont essayer d'attaquer avec la montre connectée. Mais après, il peut y avoir 2 marchés pour les montres connectées. Bah déjà, Apple tente le coup, finalement. Et puis les gens qui ont les moyens de ce PSA font sûrement aussi du sport. Ouais. Oui, ou le font faire par leur domestique. Mais pour le coup, c'est leur domestique. Moi, je les vois sur une, quand même un marché beaucoup plus Ah, je croyais que tu les voyais gamme. Courir. Non, je les vois souvent courir devant chez moi. Sur un marché quand même beaucoup plus haut de gamme que Apple. Ouais. Oui, oh, c'est voilà. Pas difficile, ça a l'air un peu cheap, quand même, je trouve, Apple. Voilà. 11 000 euros, c'est déjà... Oui, mais... Ah, mais tu parles de... Oui, je parle, oui, c'est pour ça que je dis qu'Apple, ils visent les deux marchés. Ils visent le grand public avec 350, et puis 11 000 euros, le moins grand public, quand même. Bon. Très bien, merci Julien. Je vais vous parler de Google. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Google, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ça. Vous aimez YouTube, vous aimez Google, vous aimez cet univers de partage et d'applications gratuites. Je vais vous parler un peu de Google qui a biaisé ses résultats. Donc, c'est une petite histoire qui remonte à 2012. En fait, il y a la FTC, donc aux États-Unis, la Federal Trade Commission. C'est une commission en fait qui gère l'application, qui veille, pardon, à l'application du droit de la consommation et contrôle les pratiques anticoncurrentielles aux États-Unis. Et en 2012, donc, ils ont voulu rédiger un rapport croyant que Google abusait de sa position dominante en dirigeant les résultats de son moteur vers ses propres services. À savoir que quand vous tapiez, par exemple, Microsoft Office, parce que vous cherchez la dernière version de Microsoft Office, dans les premiers résultats, vous avez forcément le drive de Google avec les solutions de Google, etc. etc. Donc, il y a eu 17 mois d'enquête et finalement, ça s'est soldé par un accord à l'amiable, on va dire, et avec l'engagement de Google de modifier légèrement ses algorithmes, parce qu'en effet, il y avait peut-être quelques petites irrégularités dues à la complexité de l'algorithme. Et puis, plus rien. Sauf qu'au droit américain, enfin États-Unis plus précisément, on a un libre accès aux documents administratifs et du coup le Wall Street Journal a demandé à la FTC, donc un organisme administratif public, de lui fournir le rapport de l'enquête. Seulement le rapport de l'enquête a bien été envoyé au Wall Street Journal, mais c'était un rapport qui n'a pas été purgé avant. Donc on a pu, le Wall Street Journal a pu dévoiler tout ce qu'il y avait dans ce rapport et qui était accablant pour Google. Donc je vais vous dire rapidement ce qu'il y avait de plus accablant. Hein. Par exemple, l'algorithme de Google en fait favorise certains de ses services dans son moteur de recherche. Dans ce qu'ils ont cherché à prouver, ils l'avaient prouvé en fait. D'accord. La FTC. Par exemple, quand vous tapiez Google Shopping ou Google Flight, eh ben ça arrivait forcément. Mais par exemple, excusez-moi, quand vous cherchiez un prestataire de voyage, et vous aviez forcément les résultats de Google Shopping, Google Flight, si vous voyez voyager, en haut du résultat, alors que TripAdvisor, par exemple, qui pouvait, ou Travel Advisor, qui pouvait proposer des résultats plus pertinents, même moins chers pour la personne qui faisait ses recherches, était relégué un peu plus bas dans la page. Ils ont mis 17 mois pour s'apercevoir de ça. Bah, ils ont, en tout cas, ils ont. Voilà. Les gars, il est promis ou il est pas promis? Attends, laisse-moi encore un peu bosser. Oh, j'imagine qu'il y a la compétition. C'est bon. Oui, non, non, après, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent. Oui, voilà. C'est vrai que ça paraît un peu idiot de dire comme ça, mais j'imagine qu'il faut analyser l'algorithme. Attends, fais une capture d'écran. Comment on fait déjà? Bon, voilà. C'est une première chose qu'ils ont réussi à prouver. Une deuxième chose, c'est que Google copiait ses concurrents comme Amazon ou TripAdvisor, justement. Et en plus, là où Google s'est révélé particulièrement sympa, hein, c'est qu'en plus, ils menaçaient de les déférencer. Déréférencer. Oh là là, les enlever, des résultats. Ah, le soir, c'est pas facile. Ouais, voilà. S'ils émettaient une objection, c'est-à-dire qu'en gros, ils se servaient par exemple des classements de vente d'Amazon pour faire la promotion de ses propres produits dans ses différentes applications Google. Et après, ils disaient à Amazon, si vous vous plaignez de ça, vous disparaissez des résultats de Google. Sympa. Voilà, donc ça, très bonne pratique, merci Google. Et enfin, ils menaçaient les annonceurs, donc les publicités, hein, en leur disant que s'ils mettaient trop de publicité chez les concurrents et s'ils ne venaient pas assez chez eux, et pareil, ils essayaient de les référencer. Voilà, merci Grégoire, j'allais encore dire n'importe quoi. Ils étaient plus référencés, ah, merci Julien. Plus facile à dire. Donc l'avocat de Google, comme un bon avocat qui sait défendre son client, a juste répondu, c'est trop tard, les poursuites ont été abandonnées, c'est qu'il n'y avait rien à prouver, hein. Voilà, il fallait vous réveiller avant. Si vous avez passé un accord il y a 19 mois, enfin il y a 2 ans, pardon, c'est qu'il n'y avait rien à reprocher, donc c'est trop tard. Et en fait, on a appris aussi que la FTC, par exemple, avait quand même réussi à obtenir de Google 4 mises à jour pour que le moteur affiche des résultats moins biaisés, mais que ce n'était pas encore le cas. D'accord. Et que ça a laissé encore le temps à Google d'afficher bien ses résultats en tête et de gagner encore plein de parts de marché pour ses différents services. Il faut savoir aussi que la Commission européenne enquête depuis 2010 sur le même sujet. Et que Google fait un lobbying forcé en Europe. D'ailleurs, Grégoire, tu nous avais parlé, tu l'as rappelé tout à l'heure, de l'affaire en Espagne sur le Google News. Mm-hmm. Mais en même temps, on se rappelle aussi, on se disait, oh, c'est sympa, Google avait donné 60 millions d'euros pour les éditeurs de presse française pour sauver la presse française. Voilà, tout ça fait partie du lobbying de Google qui essaye de placer. Oui, de se placer. Ces 60 millions, ils peuvent être vus de plusieurs façons voilà. différentes. Hein. C'est un don ou alors c'est un peu un point, voilà, on va dire un pistolet contre la tempe, quoi. Voilà. Donc en Grande-Bretagne, on sait qu'on a, il y a une action judiciaire aussi contre Google pour violation de vie privée qui commence à sortir en fait. D'accord. C'est-à-dire que avant, on savait pas si c'était possible d'avoir en Grande-Bretagne, si c'était possible de faire une action judiciaire contre Google. Et finalement, ça se révèle possible. Et on a découvert que en fait, Google contournait le système Do Not Track de Safari. C'est-à-dire que sur Safari, vous pouvez activer un petit système qui dit, bah, je veux pas que mes cookies et autres s'installent sans mon consentement sur mon ordi et je veux pas être tracé. Donc tu le cliques et normalement ça marche. Sauf que Google a mis en place un algorithme pour contourner ça. Mmh. Et du coup, ils pouvaient voir quand même ce que les gens faisaient. Mmh. Donc en Grande-Bretagne, il y a une enquête qui a il y a une action judiciaire qui est mise en place contre Google. Et je terminerai par une citation d'Obama qui décidément me ravit énormément, ce monsieur. Obama qui dit « L'Europe réagit en pensant à ses intérêts commerciaux. Leurs entreprises ne peuvent pas rivaliser avec les nôtres et essayent d'empêcher nos entreprises de fonctionner efficacement. » Voilà. Donc bon. Je vous laisse méditer sur ces paroles sages ouais. du président américain. Ça me fait penser aussi à la, comment dire, à la signature entre guillemets de Google. Hein. Je ne sais pas si tu la connais, mais c'est Don't be evil. Donc voilà. ne pas être mauvais, ne pas être méchant, quoi. Ne soyez pas le diable. Ne soyez pas le diable. Bon. Après, je laisse chacun juger des actions de Google. Hein. Ouais, mais c'est vrai que ils sont sous le feu de la rampe. Je sais pas comment dire, ils sont sous le feu. Ça fait un peu froid dans le dos, moi. Le projecteur, ouais, c'est clair. Bon, on va passer à quelque chose de plus léger. Qu'est-ce qu'on va, de quoi on parle? Est-ce qu'on a quelque chose de plus léger? Qu'est-ce qu'on a comme truc léger? Est-ce qu'on a quelque chose dans le programme? Alors, je voulais parler de la mort de... Tiens, bah, Grégoire, tu fais des bonnes blagues, parle-nous de Meerkat. Tu veux parler de Meerkat? Alors, je vais vous parler de Meerkat, ouais, alors c'est pas non plus forcément léger. Ah bon léger. Je croyais que c'était une news léger, dis-le. Si, c'est une news qui m'a intéressé parce que c'est un peu la guerre des applications entre Meerkat et Twitter. Oh, c'est léger, ça. Alors, Meerkat, je sais pas si vous en avez entendu parler, vous deux, ouais. C'est une jeune application qui a fait pas mal de bruit dernièrement, oui, donc Meerkat, hein, qui permet de diffuser en gros des vidéos en live sur Twitter. Et à peine âgée de 2 mois, l'application a eu un succès fracassant, hein, puisqu'elle compte déjà plus de 100 000 utilisateurs. Voilà, c'est une application qu'on a notamment entendu beaucoup exploser à South by Southwest, qui était un peu le Meerkat, c'était un peu l'événement là-bas, hein, comme Foursquare avait pu être l'événement en 2009 ou Twitter en 2007. Donc ça a été même jusqu'au fait que Jimmy Fallon, hein, qui est quand même assez connu, un présentateur américain, qui a fait un live streaming sur Meerkat de la Saint-Patrick, qui a prouvé un peu, qui a un peu conclu, on va dire, ce succès incroyable qu'a eu l'application en quelques jours, et ça a commencé à inquiéter un peu Twitter a commencé à s'inquiéter du succès de Meerkat, puisque c'est vrai que Twitter, de son côté, fonde de grands espoirs sur son statut de diffuseur de contenu multimédia, notamment dans le domaine des flux vidéo, il multiplie les investissements. Donc, eux, il faut savoir que, par exemple, Twitter, ils ont récemment racheté quelque chose qui s'appelle Periscope, hein, je vais y revenir, dont la vocation, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, c'est pas une surprise, mais c'est de broadcaster des vidéos en live sur Twitter. Donc, qu'est-ce qu'a fait Twitter? Bah, Twitter a décidé de briser les liens entre Meerkat et Twitter. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouviez plus trouver des utilisateurs à suivre via Twitter sur Meerkat. Donc là, c'était, on va dire, rien de personnel, uniquement pour le business. Donc on peut plus bénéficier de liens entre tweetos. Les liens peuvent plus apparaître sur la timeline de quelqu'un d'autre. Si vous ne le suivez pas, vous pouvez plus voir un Meerkat qui se déroule en direct sur votre timeline. De ce côté, du côté de Meerkat, on a dit que bah voilà, ils allaient pas cesser d'exister malgré ce revers. Hein. Ben Rubin, le créateur de Meerkat, a dit cette action de Twitter, prouve que Meerkat prend de l'ampleur. Et justement, le jour d'après, en gros, l'application avait connu une nouvelle mise à jour avec l'implémentation d'une fonction de recherche pour trouver des gens à suivre, justement, et des vidéos à observer. Ce qui est drôle, moi, ce qui m'a fait sourire un peu dans cette hype autour de Meerkat, c'est que le 13 mars, donc il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était une quinzaine de jours, TechCrunch présentait Meerkat en se demandant ce que c'était. Ils disaient, qu'est-ce que c'est que Meerkat? Voilà, on va vous présenter un peu cette appli, ils essayaient d'expliquer un petit peu ce que c'était. Et donc là, on est fin mars, au moment où on enregistre, et l'application a complètement explosé, hein, comme je l'ai déjà dit. Au début janvier, l'application était valorisée à 3,5 millions de dollars. Elle le serait maintenant, estimée à une valeur de 40 millions de dollars, avec une annonce de 14 millions de dollars, rien que cette semaine, qui ont été levés cette semaine. Maintenant, juste après cette valorisation un peu impressionnante quand même, 14 millions de dollars en une semaine, c'est pas trop mal. Le soufflet de la hype est déjà un peu en train de retomber, hein, puisque le Meerkat a perdu de nombreuses places dans le classement de l'App Store, puisque Twitter a lancé justement le fameux service basé sur Periscope, hein, donc qui s'appelle Periscope, le jeudi 26 mars. Et en plus, il est pas mal puisqu'il permet de rejouer la vidéo du live pendant 24 heures. Et en plus, il y a un système de like assez sympa. Je sais pas si vous l'avez vu tourner, mais bon, ça affiche des cœurs un peu sur l'écran, etc. Non, mais il y a un côté assez vivant, du coup, dans les vidéos. On dirait qu'on voit un peu le public qui aime la vidéo, on va dire, sur ça. Et c'est vrai que Periscope, c'est classe 36e dans les applis aux USA et 52e en France. Et pendant ce temps, Meerkat dégringole, hein. Elle est 225e aux États-Unis et 448e place en France, alors qu'avant, elle trustait le top 40, hein. Donc il y a eu une énorme déception du côté de Meerkat. Est-ce qu'elle va survivre? On ne sait pas vraiment. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu ça, justement. C'est ce côté, la cruelle vie des applications et de leur succès, avec des succès et des échecs, justement, aussi si rapides qu'en un mois, on a entendu parler de l'explosion de Meerkat et quasiment de sa fin dans le même mois. Enfin, de sa fin, je vais peut-être un peu vite en besogne. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que les quelques applications qu'on découvrait il y a encore quelques années, comme Twitter et Facebook, hein, finalement, Twitter, c'est pas si vieux que ça, 2007, semblent maintenant peu à peu réussir à conserver leur position dominante. On a vu Twitter, dans un même mois, se fait menacer par Meerkat et réussit quasiment dans le même mois, en 15 jours, à quasiment tuer la concurrence, quoi. Donc j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, et ça, je trouvais que c'est aussi l'occasion de rappeler une loi mathématique, hein, qui s'appelle la loi de Metcalfe, une loi sur les réseaux, et qui dit que l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. En gros, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Bah, c'est pour nous tous, finalement, ça veut dire qu'on a une chance de plus en plus faible de s'extirper des réseaux auxquels on appartient, à moins d'accepter une très grande perte d'utilité. Donc voilà, si vous voulez maintenant passer à un prochain, entre guillemets, Twitter en allant sur Meerkat, bah, il faut être prêt à, malheureusement, perdre énormément de votre utilité, c'est-à-dire bah, être prêt à perdre tout votre réseau. Il va falloir reconstituer un réseau pour retrouver la même utilité, etc. Donc à suivre si Meerkat arrive à survivre au phénomène Periscope qui est en train d'exploser. Perso, je ne miserais pas énormément non plus quand même sur Meerkat. Malheureusement, on en parlera peut-être dans un mois ou quelque chose pour faire le bilan. Mais c'est vrai que là, c'est vie et mort d'une application en direct quasiment. Donc c'est assez émouvant. C'est intéressant en effet. Julien, tu nous parles d'Amazon, c'est ça? Oui, en fait, je ne sais pas si on en avait déjà parlé dans Upcast à l'époque. C'était. Tu ne les écoutes pas en fait. Non, mais tu dors pendant qu'on parle en fait. Je ne sais pas si on en a parlé. Disons que je devais être là, mais j'ai pas fait de recherche pour savoir si on en avait parlé. Mais peut-être qu'on en a parlé, tu vas peut-être pouvoir me confirmer. On te coupera en montage au pire. Non, mais c'est pas ça. On n'a pas parlé de cette news dont je vais parler, mais on a peut-être déjà parlé de la précédente news. Oui, on en a parlé, je le confirme. C'est ce que tu veux dire, donc oui. Ouais, en fait, c'était en novembre dernier, et la FAA, donc la Federal Aviation Administration, on en a parlé, refusait qu'Amazon et son service de livraison Amazon Prime Air fassent voler des drones dans le ciel américain. En fait, je rappelle rapidement le projet qui était Amazon Prime Air. L'idée, c'était en fait de faire livrer des colis de moins de 2,3 kg en 30 minutes dans un rayon de 16 km. Ça, c'était pour le projet Amazon Prime Air. Donc Amazon, qui était pour le coup vraiment le premier à avoir lancé ce nouveau système de livraison, avait vu en fait la concurrence faire ses tests en Australie pour Google et sur une île de la mer du Nord pour DHL. Et ils avaient donc décidé, Amazon, de recruter en Angleterre et de faire ses tests loin du pays de l'oncle Sam pour montrer que finalement des vols de drones au-dessus de notre tête ne présentaient aucun danger. Donc ça, c'était le but de ces tests. Donc ça, c'était au novembre dernier. Il s'en est suivi 4 mois. 4 mois, il y a eu des négociations, porte fermée toujours de la part de la FAA pour Amazon. Et en fait, on a appris là, dans les 2 dernières semaines, que la FAA était revenue sur sa position et a autorisé Amazon à faire voler ses drones aux États-Unis. Mmh. Alors, pour le coup, c'est une autorisation, on va dire, très encadrée. C'est valable uniquement dans un cadre expérimental, et la FAA précise les conditions de ce cadre expérimental. Donc, les drones n'ont pas le droit de s'élever à plus de 400 pieds, soit environ 122 mètres. Ils ne doivent voler que 2 jours au-dessus de terrains privés, à la campagne, dans l'État de Washington et dans des conditions météorologiques qui offrent une bonne visibilité et dans les limites du champ de vision du pilote et d'un observateur. Donc il reste là-dessus quand même. Il reste sur l'histoire du. Ouais, on l'avait dit, et ça va quand même restreindre pas mal Amazon. Ouais. Et alors le pilote doit aussi être en outre titulaire d'un brevet de pilotage et faire confirmer son aptitude physique par un médecin. Et pour le coup, Amazon doit aussi communiquer tous les mois toutes les données pertinentes à la FAA. Donc à la fois FAA. Ouais. J'ai dit quoi? FAA. La FAA. La FAA. La Federal Aviation Administration. Donc, ils doivent communiquer le nombre de vols, la durée de ces vols, l'identité des pilotes. Et en fait, ça va permettre à la FAA de faire un peu, enfin, peu à peu, on va dire, son expérience au niveau de genre de pratique, puisqu'on peut penser que ça, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Hein. Je parlais tout à l'heure de DHL et de Google qui avaient déjà pu faire des tests. Donc c'est peut-être quelque chose qui va se répandre pour livrer, on va dire, plutôt des petits colis. Donc là, on va dire, pour la Federation Aviation Administration, c'est finalement un bon moyen de se faire son expérience et de voir finalement de toute la législation qu'il peut y avoir autour des drones. C'est quand même ultra contraignant pour Amazon. Ah hein, oui, cette histoire de juste à Amazon. Ouais. Et puis surtout l'histoire de il faut que le pilote puisse le voir tout ouais. le temps. Bah, mine de rien, ça veut dire qu'ils peuvent pas faire de la livraison à distance. Bon, quoi. Disons que pour l'instant, on est encore dans des phases de test. Ouais. Donc, faut quand même prouver que ça peut, que ouais, c'est pas dangereux. De toute façon, ils étaient partis tellement loin Amazon, vu qu'en gros, c'était complètement interdit, que je pense que la ouais. petite permission fait déjà un peu du bien. Ceci au moral, dit, quoi. Comme je disais, ils avaient fait leur test, je crois que c'était à Cambridge ouais, en Angleterre. Et en Inde aussi, ils en avaient fait en Inde aussi. Voilà. Mais enfin moi je sais pas si ça va se généraliser cette méthode de livraison de colis. Je vois plutôt des gens voler directement les colis au moment où le drone se pose. Il y a cette possibilité là. On en avait un peu parlé hein. En France a priori ça semble assez corrompu oui. cette idée puisque nous je ne sais plus qui c'est le ministère de la Défense je crois qui réglemente l'espace aérien en France. Et en gros, eux avaient plutôt dit non, hein, globalement. Ils avaient dit, bah non, il y aura jamais les mesures de sécurité nécessaires pour qu'on dise oui un jour. Bon, après, ils vont certainement assouplir ça aussi, mais je pense que ça va prendre plus longtemps qu'Amazon l'espérait au tout départ. Quoi. Ceci dit, quand t'imagines que tu peux commander quelque chose et l'avoir en moins d'une heure, c'est quand même intéressant, quoi. Bah ouais, puis si on commence à promettre ça aux consommateurs, les consos, ils vont dire oui, ils vont dire on le veut, et puis quand les gens vont faire pression, peu à peu. Les fédérations de machin AA bidule là, ils vont être obligés d'accepter, le ministère de la Défense va être obligé d'accepter. Mais c'est vrai qu'il y a des questions de sécurité derrière. Très bien. Je vais enchaîner en fait rapidement sur une news. Je vais revenir sur une news qu'on avait évoquée il y a deux podcasts, à savoir la mission Mars One. Oui. Mars One, pour rappel, ceux qui n'avaient pas écouté. Déjà, c'est pas bien. Il fallait écouter, on vous rappellera pas. Mars One, c'est une mission qui promet d'envoyer 12 couples vers 2015 sur Mars sans billet de retour. Donc envoyer des gens vivre sur Mars. En 2015, c'est ça ? En 2025, pardon. Ah, 2025, excuse-moi, oui. D'ici 10 ans. Donc cette mission se faisait financer par en gros des émissions de télé-reality et des émissions de télé-reality. Bon, c'est le soir, on fera plus de podcast le soir. On n'y arrive pas. C'est la pizza qui descend pas là. oui, enfin bref. Et donc, en fait, un des candidats, donc pas n'importe lequel, hein, puisque c'est Joseph Roche, un docteur en physique et astrophysique, professeur à l'université de Dublin, qui a juste dit qu'en fait c'était une immense supercherie. Donc, je suis assez bluffé par justement l'ampleur de cette supercherie, hein, parce que moi, franchement, j'y ai vraiment cru, mais d'après ce qu'il explique, ça. Ouais, toi, quand tu nous as présenté ça, t'étais très enjoué par cette news. En oui, fait, tu disais que... c'est l'avenir. Enfin, en plus, c'est incroyable. Je me desserre pas du tout. J'aurais peut-être dû mieux lire, mais à l'époque, on s'en rendait pas compte. C'est-à-dire que tous les sites d'information geek relayaient cette news, quoi. Ah donc, ouais, c'était énorme. Ouais, bien monté leur coup. Et en gros, ce monsieur révèle qu'en fait que. Déjà, il n'y avait pas 200 000 volontaires comme à son départ, mais 2761. Qu'ensuite, pour avoir des points, on ne savait pas ce qu'il fallait faire vraiment. C'est-à-dire, tu avais des points et au bout d'un certain nombre de points, ça te permettrait d'être sélectionné pour partir sur Mars. Et en fait, il a révélé que tu pouvais avoir des points si tu avais acheté du merchandising ou si tu faisais un don à Mars One. En gros, si tu payais ton billet, quoi. Ensuite, si y avait un guide des boîtes pratiques qui dit que si tu fais une interview et que tu es payé pour ça, pour la mission Mars One, et ben tu dois refaire 75% de ce que tu as gagné à Mars One. D'accord. Voilà. Et après, bah, pareil, il n'a jamais rencontré aucun dirigeant, sauf par conférence Skype de pas plus de 10 minutes. D'accord. Il n'a jamais eu personne de Mars One, en fait. C'était un mec en carton, apparemment. Et pareil, les méthodes de sélection, c'est-à-dire qu'ils ont eu un entretien médical par Skype. D'accord. Ils ont été uniquement questionnés sur la littérature qu'ils connaissaient sur Mars. Et est-ce que vous avez lu tel livre sur Mars? Voilà. C'est pas vrai. Si tu disais oui, bah, c'est bien, vous êtes sélectionné. Ah, je vais vous mettre des points. Voilà. Et il fallait bien connaître le projet Mars One pour être sélectionné. C'est-à-dire, il fallait bien que tu aies lu tout ce que ça faisait. Voilà. Et la NASA rappelait juste très, très stoïquement qu'en fait, pour envoyer quelqu'un en vol, il fallait quand même habituellement, il fallait qu'il ait plus de 1000 heures de vol. Pour être sélectionné par la NASA, et que là, rien de tout ça n'était demandé. Ouais. Suite à ces révélations, il y avait un partenariat avec Endemol, donc la société de production qui produit... La télé-réalité, quoi, en gros, en France, de télé-réalité. A été annulé, Et tous les spécialistes rappellent qu'en fait, il est impossible d'envoyer des gens sur Mars. C'est les envoyer une mort certaine. Même d'ici 10 ans, c'est complètement irréalisable. Ouais, c'est vrai que nous, on était enthousiastes. C'était Chaton Pute hein, qui nous avait fait un commentaire, oui. Je crois, en disant, en amenant un versant plus sombre voilà. De cette histoire, en disant « Ah, méfiance, parce que la durée de la survie sur Mars, c'était genre 16 jours, etc. » Et en fait, tout ça, c'était... Et en fait, ça va même beaucoup plus loin que ça. En fait. C'est juste une arnaque monstrueuse. Donc, un gros pipeau. Je salue les gens qui ont mis en place cette arnaque, parce que c'est quand même... c'est bien joué, les gars. Franchement, continuez. Franchement, chapeau. Là. Franchement, allez-y. Donc, on n'aura pas les ch'tis sur Mars, quoi. Non, malheureusement, ni Adam et Eve sur Mars, on n'a rien de tout ça. C'est très dommage. Grégoire, tu veux nous parler de Niel? Oui, je vais vous parler de Niel et notamment de la guerre du mobile que Xavier Niel a un peu, on dirait, l'intention de relancer, puisqu'il a fait la conférence de presse de résultats financiers du groupe Iliad le jeudi 12 mars, et voilà, pendant laquelle il a dit à propos des prix du mobile, ils sont à nouveau beaucoup trop élevés en France, et il a ajouté qu'il pensait avoir la possibilité de diviser de nouveau les montants de ces prix d'ici quelques mois. On se souvient, je ferai un peu d'historique, que Free avait quand même provoqué un véritable électrochoc lors de son arrivée sur le marché mobile en 2012, janvier 2012. UFC Que Choisir avait par exemple publié une étude il y a un an démontrant que l'arrivée de Free avait permis d'alléger de 30% la facture mobile des Français entre 2012 et 2014, et donc de faire économiser aux Français 5 milliards d'euros sur la même période. Donc voilà, ça c'était un peu pour l'historique. Niel, là, quand il parlait, donc suite à ses présentations de ses résultats financiers, il a également été à la télé pas mal, par exemple sur BFM, et il a redit aux journalistes, vous rendez compte, vous aussi, que les prix sur le mobile, ça ne va pas, en faisant un petit sourire un peu complice. Il a dit, je trouve qu'on s'est un peu endormi sur le mobile, et quand je vois les marges de nos concurrents, franchement, j'ai pas de peine, donc je me dis qu'il faut remettre un petit coup avant la fin août 2015. Donc on est bientôt, là, j'ai envie de dire. La question ne semble plus vraiment à se dire est-ce qu'il va refaire une baisse des prix, mais plutôt de combien il va la faire. Il a l'air d'être très très motivé par ça. Du côté des autres opérateurs, je voulais quand même en parler. Orange, du côté d'Orange, eux, ils ont un peu du mal à y croire. Hein. Concrètement, le patron d'Orange, Stéphane Richard, il plaidait encore il y a très peu de temps pour un maintien des prix c'était au mois de février, hein, qui disait on ne peut pas aller plus loin sur les prix, disait ça à l'antenne d'RTL. Et il avait par exemple déploré une baisse de 2 milliards d'euros de marge brute pour son groupe, pardon. Et lui disait que même si on descendait encore les tarifs, ça pénaliserait les investissements lourds à faire dans les infrastructures et que ça mettrait en danger la capacité de la France à être un pays connecté. Il allait jusqu'à là. Il a réitéré ça le 18 mars en disant que la guerre des prix entre opérateurs était terminée selon lui. Et il disait, et là je trouve qu'il a peut-être un peu raison, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, il disait on est dans un nouveau cycle, le cycle des besoins, les besoins de débit, avoir une meilleure connectivité partout. Les gens sont particulièrement agacés de ne pas pouvoir se servir de leur iPad dans un train ou dans le métro ou sur une autoroute. Et c'est vrai que eux, leur stratégie, on va dire, c'est plutôt d'investir. Ils ont présenté un plan d'investissement de plus de 15 milliards d'euros pour 2015-2018. Et pour deux tiers, ces 15 milliards d'euros, ils vont servir à l'extension du réseau, de la fibre optique et de l'amélioration de la couverture mobile. Je crois que c'est toi qu'en avais parlé, Julien, notamment. Ils avaient dit qu'ils voulaient couvrir la 4G dans les trains, dans 100% des trains d'ici 2018. 3-4G dans les métros et sur les principales autoroutes. Je crois que c'est pour 2017-2018, il me semble, quelque chose comme ça. Ils veulent aussi améliorer significativement le débit auquel ont le droit tous les clients. Ils veulent tripler le débit d'ici la fin de l'année 2018, à la fois dans le mobile et dans le fixe. Donc on voit qu'Orange, eux, ils n'y croient pas trop à cette baisse de prix. Ils sont clairement du côté, plutôt augmenter le débit. Côté de SFR, donc je rappelle quand même que SFR a été racheté par Numéricable, les nouveaux forfaits vont sortir le 1er avril, donc c'est demain, je crois. On enregistre le fin mars, voilà. Bon, j'ai quand même quelques fuites, on va dire, là-dessus. Donc, on va voir si je me suis planté ou pas demain. Je vais peut-être couper ça au montage en fonction de demain, je ne sais pas. Non, a priori, les forfaits seraient assez chers. Donc, c'est un peu une stratégie risquée. Il y aurait trois gammes, starter, power et premium. Et par exemple, le starter, c'est quoi? C'est 100 mégas d'internet, 2 heures de communication, c'est 15 euros. Le forfait power, c'est entre 44 et 54 euros. Et les forfaits premium, vont jusqu'à 150 euros par mois avec 2 ans d'engagement, tout ça. Donc 150 euros par mois. Bon, là, je vous parle de forfaits pour quand même des pros, on va dire, donc des choses assez chères. Mais ça me semble être des prix même assez élevés. Moi, je trouve ça assez... osé, on va dire, de proposer ce genre de tarif en 2015, surtout avec l'arrivée de Free et ses 2 euros. Du côté de chez Bouygues, alors de côté de chez Bouygues, je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est quelque chose qui est un peu passé inaperçu, j'ai trouvé. Début mars, il y avait le patron de Numéricable SFR, donc Patrick Drahi, qui aurait proposé entre 7 milliards et 7,5 milliards d'euros à Martin Bouygues pour acquérir Bouygues Télécom. Donc SFR aurait proposé de racheter Bouygues Télécom en fin mars, enfin début mars, pardon, fin février, début mars. Donc le PDG de Bouygues avait refusé. Mais apparemment, en coulisses, du côté des lieutenants, on va dire, de Martin Bouygues, on dit qu'il y a encore voilà, des discussions, qu'une nouvelle offre de la part de SFR est probable dans les mois à venir et qu'elle serait difficile à refuser à terme, puisque c'était un peu les seuls qui proposaient un prix intéressant. Du côté de SFR, Patrick Drahi, lui, il indique également que ça se discute, ça continue à se discuter entre les deux parties qui essayent de se mettre d'accord sur le prix. C'est vrai que ça serait peut-être pas si étonnant que ça. Alors moi, j'avais été très surpris en me disant, tiens, Bouygues, racheté par SFR, ça me semblait un peu invraisemblable quand j'avais lu ces news. Mais c'est vrai que bon, bah, Bouygues, ils sont un peu dans une situation compliquée, quoi. Hein. Depuis, pour la deuxième fois en 3 ans, ils sont dans le rouge. Là, ils ont fait une perte nette de 41 millions d'euros en 2014. Le chiffre d'affaires, il était de 4,4 milliards d'euros, mais il est quand même en baisse de 5%. C'est un peu l'opérateur qui a le plus souffert hein, justement depuis l'arrivée de Free sur le marché des mobiles. Donc avec une structure de coûts qui est encore assez élevée, il est possible que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avant 2015, peut-être si Free rebaisse encore ses prix, bah, qu'on entende parler de SFR et de Bouygues qui fusionnent et qui seraient rachetés, enfin même que Bouygues serait racheté par SFR. Donc à suivre de ce côté-là. Et puis bah, on en saura plus pour le coup en août 2015 pour voir si Free a bluffé ou s'ils vont vraiment reproposer une baisse des forfaits, peut-être en dessous de 10 euros pour leur forfait. Je ne sais pas, on va voir. Bon, affaire à suivre. Affaire à suivre. Demain. Dès demain. Ou dès hier, ou avant-hier, si vous écoutez le podcast à ce moment-là, avec SFR. Julien, on va terminer par toi avec une petite news sur... Sur des ports USB. Voilà, tu ne savais pas quel news c'était. en fait, on vous parlait dans le dernier podcast, alors là, pour le coup, je m'en souviens, parce que c'était moi qui en parlais, donc là, pour le coup, je m'en souviens, vu que c'est moi qui avais fait la news. C'est quand même mieux. c'est quand même mieux. Mais j'aime aussi bien faire avec par soi-même. Je vous parlais, en fait, du nouveau MacBook, dont, en fait, l'un des plus gros défauts, c'était, qui était dû à sa taille extrêmement réduite, c'était la présence d'un seul port USB. Apple proposait bien un accessoire pour brancher jusqu'à 3 appareils en USB, mais bon, ça coûtait quand même presque 100 $, c'était 89 dollars. Cher quand même. D'accord. Et en fait, j'ai trouvé l'accessoire parfait pour combler la réduction drastique des ports USB. Ça s'appelle l'Infinite USB. Donc c'est un objet que moi j'ai trouvé vraiment malin, qui a été créé en fait par une start-up qui s'appelle Infinite USB. Ils ont souvent le même nom que les produits qu'ils développent, c'est assez marrant, et qui a déjà atteint son objectif Kickstarter. Alors le principe est tout simple, c'est un câble USB donc qui se décline en 3 modèles avec un micro USB, un Lightning, un USB femelle, et bientôt il y aura un quatrième modèle en USB-C, et qui se branche en fait sur votre port USB et qui possède en fait une prise USB pour recevoir un autre câble USB. Donc quand on le voit, c'est beaucoup plus simple pour en parler. C'est-à-dire tu branches sur ton port USB et... C'est USB à mâle, USB femelle. Voilà, tu peux en brancher, à la DSL. Mais c'est une rallonge, quoi. C'est des poupées russes, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit, en fait. C'est... Oui, c'est... Gagné, non. Des poupées... Ça s'encastre. Voilà, ça s'encastre. voilà, donc en théorie, on peut en brancher une multitude. Mais c'est quoi? Alors, attends, c'est juste une rallonge de... Non, c'est pas une rallonge, c'est un câble. Ah, t'as un câble avec une autre entrée, donc c'est une double entrée, en fait. Non, c'est là, que quand tu utilises ton port USB, tu peux encore l'utiliser, puisque t'as encore... D'accord. Là, imagine, tu vois, j'ai ma clé USB sur mon Mac. Ouais. Imagine que là, il y a une autre port sur cette clé, sur USB, ta clé USB pour en ficher une autre. D'accord. Et là, il y a un câble qui vient, alors donc un câble, je disais, en micro USB, en femelle. Ah oui, pas mal. C'est tout bête, en fait. C'est tout bête, mais c'est bien pensé, ouais. Et donc voilà, en enfilade, moi j'avais écrit tout de suite. En enfilade. Enfilade, c'est bien aussi. Voilà. C'est très bien, ouais. J'avais dit que t'étais cochon. Voilà, des porcs enfilade. Il est presque minuit, donc non, pas encore. Donc, n'importe quoi. Donc voilà, et donc on pourra utiliser ou recharger de nombreux appareils grâce à ces porcs en enfilade. Allez, ainsi, se termine. Je vais quand même dire que ça va sortir cet été. Ah oui, merci. C'est important. Moi, je les attends aussi. Hein, si par exemple, je m'achète ce super petit MacBook, et pour un prix compris entre 12 et 14 dollars, selon les câbles. Et le design, pour le coup, est vraiment réussi. Ils sont tout vraiment colorés, ils sont vraiment très très sympas. Très bien, merci Julien. Super. Ainsi se termine notre partie techno. Nous allons maintenant passer à la partie divertissement. On va commencer cette partie divertissement avec Julien qui veut nous parler de Kendrick Lamar. Oui, alors pas seulement de Kendrick Lamar, parce qu'en fait ma vocation maintenant dans ce podcast, c'est d'ouvrir le débat. Oula. J'aime bien cette expression, ouvrir le débat. Bon, après on sait pas trop comment on va le fermer ou si... ou s'il va s'ouvrir déjà. Il va s'ouvrir, ouais. Une heure perdue. Une heure déjà. Mais bon, je trouve que ça fait très citoyen, c'est très philosophie des Lumières, ouvrons le débat, donc voilà. C'est un peu l'excuse. Je te rappelle qu'il y a 5 minutes, on parlait de porc en enfilade. Hein. Donc, si tu pouvais, ton truc des siècles des Lumières, tu sais où tu peux te le carrer. J'espère que ton débat est bien huilé, comme ça. Ça ne fera pas trop mal. Ah, on va revenir. Vivement qu'on revienne le matin, parce que là, ça prend vraiment une tournure que je ne cautionne pas. Donc, voilà, je voulais vous parler indirectement de l'album de Kendrick Lamar qui s'appelle To Pimp a Butterfly. Alors pas vraiment de l'album en fait, qui est pour le coup plutôt réussi, on en discutait avec Greg tout à l'heure, moi je le trouvais plutôt réussi, il a d'ailleurs d'excellentes critiques, ce qui est d'ailleurs très drôle puisque c'est même devenu le jour de sa sortie un classique, très drôle, c'est-à-dire qu'avant t'avais, je sais pas, il faut 10 ans, ah, ça c'est un classique, non, du hip-hop, c'est classique en 2 heures, le lendemain c'est un classique, voilà, mais on va dire que ce dont je voulais vous parler c'était de sa sortie anticipée d'une semaine par Kendrick Lamar lui-même en fait, qui a créé la surprise et pour le coup vraiment enflammé l'internet, les timelines de Twitter, Facebook. Alors, je vais juste rappeler rapidement les faits. En fait, le nouvel album de Kendrick Lamar, Pimp a Butterfly. Kendrick Lamar, c'est un rappeur californien, je ne l'ai pas dit. Hein. Je suis parti de la. J'ai présupposé que tout le monde savait qui était. Moi, je ne connais pas. Bon, voilà, pour les gens comme Stan qui ne connaissent pas Kendrick Lamar, c'est un rappeur californien qui, on va dire, qui dans l'industrie du hip-hop pèse quand même pas mal. Et donc son album devait sortir le 23 mars, tout était calé, la promotion était sur les rails, sauf que le 16 mars, soit une semaine avant la sortie, Kendrick Lamar lui-même a balancé l'album complet sur iTunes, puis sur Spotify. Il s'est juste fendu en fait, d'un petit tweet qui était juste un lien vers le lien iTunes du nouvel album. Et pour le coup, comme je disais, voilà, ça a été l'effervescence sur toutes les timelines du monde. Et en une journée sur Spotify, l'album a totalisé près de 10 millions d'écoutes. Donc, ce qui est quand même assez colossal. Et il a d'ailleurs battu le précédent record en la matière qui était détenu par un autre rappeur. Donc, je ne sais pas non plus si Stan, tu vas le connaître, qui s'appelle Drake. Je connais Drake. Voilà, Drake qui avait généré, lui, 6,8 millions d'écoutes sur Spotify. Il a fait un morceau avec Rihanna, non ? C'est possible. Ah, vous voyez, je connais mieux que vous la musique. Je connais pas le Drake. Connaître Rihanna, c'est pas non plus connaître la musique. C'est possible qu'il ait fait c'est un artiste d'ailleurs que canadien, mais je crois qu'il vit aux États-Unis. Mais qui n'a pas fait un morceau avec Rihanna, voilà. Rihanna, c'est plutôt ça. C'est pour ça que j'ai hésité à lui dire oui, bien sûr, Stan. Je me suis dit, bon, ça s'avérait faux quand même. Je vais avoir l'air un peu crétin. Et donc, avec sa mixtape qui s'appelait If You're Reading This, It's Too Late, qui était une mixtape surprise, il avait fait donc presque 7 millions de vues. Donc là, il a été battu par Kendrick Lamar. Donc, liker un album soi-même sur la toile, bah, c'est pas nouveau en fait, et ça a plusieurs visées, on va dire, selon les artistes, les situations et les événements dans la vie commerciale d'un disque. Alors d'abord, on va dire, on a la fuite anticipée de son propre disque pour contrer ou limiter les dégâts d'une fuite qu'on n'avait pas désirée. Je vais être plus clair, c'est-à-dire que quand on constate que l'album se trouve malheureusement sur la toile illégalement, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on sort légalement l'album pour pas laisser du temps. On va pas dire, bah tiens, il sortait dans un mois et on va avancer, on va anticiper la sortie. Il y a Björk qui a fait ça, voilà. Il y a pas longtemps. Ouais, pour le coup, c'était le cas en fait de Björk et aussi de Madonna. Madonna, ouais. Ouais, donc Björk, elle avait avancé la sortie, elle avait mis tout l'album en ligne. Et Madonna, elle avait mis les 6 morceaux qui avaient fuité sur la toile, qui avaient fuité dans des versions de travail. Donc ce qui est toujours un peu gênant pour un artiste, parce que ouais, t'as une version, t'as une sorte de brouillon, t'as pas forcément envie que ça soit ça se répande dans la nature. Donc avant Youtune ou elle chante faux, c'est un peu gênant pour elle, quoi. Ouais, après, mais ça peut être plein de choses. Voilà, elle préfère que ça soit une version finie de son morceau qui sorte. Et pour le coup, elle avait un peu quand même été belle joueuse. Elle avait sorti les 6 morceaux en question et elle les avait mis directement à la vente. Ensuite, ça peut aussi être une manière de régler ses comptes avec sa maison de disques en cassant l'appareil promotionnel. C'était le cas d'un groupe, je ne sais pas si vous connaissez, un groupe qui s'appelle Death Grips. Non. Donc, qui est un groupe que j'aime beaucoup, qui est un groupe un groupe assez énervé qui mélange hip-hop, électro et rock, et qui en fait avait signé un contrat chez Sony, mais qui était lassé d'attendre que Sony sorte son album. Et donc, comme Sony à chaque fois leur disait oui, ça sortira bientôt, ils en ont eu marre et ils avaient mis l'album directement sur leur site officiel. Classe. Donc bon, pour le coup, ils ont eu pas mal de soucis parce que là, il y a une batterie d'avocats qui s'est mise en marche et je sais plus où s'en est cette histoire, mais il me semble qu'ils avaient perdu le procès puisque ils avaient signé un contrat. Donc à partir du moment où tu signes un contrat, tu romps ce contrat, tu mets ton album sur la toile, c'est un peu un acte suicidaire. Mmh. Tu peux pas vraiment te défendre par rapport aux avocats, mais disons que c'était une façon de tuer son album qui était plutôt assez drôle et plutôt assez poétique, presque, ouais, hein. Assez couillu, assez punk, on va dire. Ouais, c'est très punk. Ouais. Et enfin, c'est également, et là, on est plus dans le cas pour Kendrick Lamar, même s'il y a pour le coup aussi une petite bataille avec son label entre Interscope et son propre label. C'est également pour, on va dire, un moyen de se faire un coup de pub en braquant les projecteurs sur son album avec l'appui des réseaux sociaux qui relaient l'info à toute vitesse. Là, on le voyait, c'était, je ne sais plus combien il y a eu de retweets de son message, mais c'est assez colossal. Bon, on va dire quand même cette technique, elle est réservée aux poids lourds de l'industrie musicale, dont les albums sont très attendus. C'est sûr, si tu es un artiste dans ton coin et que tu le sors une semaine avant la sortie prévue, bon, je ne pense pas qu'il y aura un écho. Voilà, c'est comme si nous, on disait, bah, tiens, un podcast, il va paraître le dimanche et plus le lundi. Je ne pense pas que ça ferait... Ça n'a pas eu un énorme... J'ai testé un peu sur Twitter, ça n'a pas trop marché. Et pour le coup, dans le côté, voilà, on a fait des... On a vraiment essayer de faire un coup de pub comme ça magistral. On avait eu le cas de Beyoncé en 2013, hein, qui avait sorti son album directement sur iTunes, sans prévenir ou presque. Elle avait bossé dans son coin sur l'album, elle l'avait balancé directement presque par surprise, et ça avait généré presque 1,2 million de retweets de son message en quelques heures. Et l'album s'était hissé parmi les disques les plus vendus sur iTunes. Voilà, et c'était aussi, j'en parlais tout à l'heure, le cas de Drake qui avait sorti cette mixtape surprise et qui s'était rapidement vendu à 500 000 exemplaires et qui avait d'ailleurs réalisé le meilleur démarrage de l'industrie depuis un album d'une artiste qu'on aime beaucoup ici, c'est Taylor Swift. On en parle assez souvent. Voilà, c'est vrai. Pour ceux qui ont écouté Upcase depuis au moins 10 numéros, on en a parlé assez souvent. C'est un peu comme Channing Tatum, hein, c'est un peu les deux mascottes. On espère qu'un jour on pourra les inviter quand on en sera au podcast 100. C'est ça. On aura Channing Tatum à gauche et Taylor Swift à droite, ce sera très sympa. Et pour le coup, là, donc. Drake, il avait placé lui 14 morceaux dans le top 100 de Billboard. Boom. Donc voilà, ça c'est sûr que quand on fait ça, bon, faut quand même avoir déjà la base d'une notoriété et pas mal de followers pour que ça prenne de l'ampleur. Et donc voilà, j'ai l'impression que cette troisième raison, je vais pas trop développer sur les deux premières raisons, mais de faire leaker son album comme un coup de marketing digital, ça se répand de plus en plus pour les gros de l'industrie et qu'elle est parfaitement, je trouve, adaptée à notre époque et j'ai envie de dire malheureusement à notre consommation de la musique, puisqu'en fait ça crée du buzz, ça comble une attente qu'on rassasie immédiatement. Ouais. On se dit voilà, même si on attendait l'album, bah, il est dispo tout de suite, ça crée comme ça un buzz autour de la sortie de ce disque et on a envie de le posséder immédiatement. Avec ce côté un peu, on veut tout avoir tout de suite. C'est un côté aussi un peu découverte avant tout le monde. C'est sûr, quand tu le vois sur ta timeline, tout le monde, enfin quelques personnes te disent, ouais, il y a le Kendrick Lamar qui a leaké, tu vas essayer de le chercher. Il y a un côté un peu, ouais, je suis le premier sur le coup. Il y a un côté information à chaud. Et c'est aussi une manière pour l'artiste de s'adresser directement à l'auditeur. Ça devient en fait une sorte de promo anti-promo. Finalement, c'est une façon de retourner le côté très classique de la promotion avec des interviews. La sortie calée du disque, les concerts après. Là, finalement, tu squeezes un peu toute cette partie promo pour faire une forme d'anti-promo. Et en fait, finalement, on reçoit l'album directement sans le filtre de la critique et sans la promo traditionnelle. Alors voilà, comme je disais, c'est vraiment réservé aux artistes les plus connus. Et c'est d'ailleurs ce que dit Guillaume Cyr, qui est maître de conférence à l'Institut français de la presse et qui a été interrogé par les Inrock à ce sujet et qui dit « Celui qui ne parle pas est celui qui on veut écouter ». Donc ça, je trouve que c'est une phrase... Peut-être le soir à philosopher sur cette phrase, ça peut être... On va s'endormir là-dessus, je crois. Donc en gros, c'est l'art de se faire secret pour surprendre au bon moment. C'est vrai que souvent, moins vous en dites, plus vous êtes discret, plus vous suscitez d'interrogations et presque de convoitise. Mais pour le coup, j'ai presque l'impression aussi qu'on arrive peut-être à la fin de ce genre de pratique et que le prochain artiste qui utilisera ce type de promo, on va peut-être se dire, ouais, encore un. C'est-à-dire qu'il y a peut-être finalement un moment, il faut peut-être laisser un peu de temps, peut-être laisser passer 6 mois pour refaire ce coup-là. Là, on se dit, je sais pas, on imagine quelqu'un, un Kanye West arriverait comme ça ou un Radiohead dirait, bah tiens, mon album il sort dans l'instant. On en aurait peut-être un peu marre et on arrêterait peut-être de jouer la surprise ou de feindre la surprise. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Guillaume Cyr en conclusion. Il dit, de toute façon, si tout le monde se met à ne plus annoncer son album, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit une réaction à la norme. Et c'est d'ailleurs en ce sens que ce n'est pas une révolution. La vraie révolution, ce serait de ne plus sortir d'album et de ne jouer sa musique qu'en live, par exemple. Ouais. Parce que là, pour le coup, on revient au même. Après, le disque sort, la promo se met en marche de la même façon. C'est juste une manière anticipée de liker son album sur la toile, de se faire un gros coup de projecteur et un gros coup de buzz, gros coup de buzz marketing. Voilà, donc je ne sais pas vous si c'est quelque chose qui, quand vous voyez un leak comme ça, vous dites ça, ça suscite une volonté d'écouter l'album, une curiosité, ou alors finalement vous vous en moquez. Moi, je suis un peu tombé dans le panneau quand même, hein, là sur Kendrick Lamar, j'avoue. Pourtant, tu vois, bizarrement, je connaissais pas la date de sortie officielle. Donc en fait, ouais, je savais pas que c'était un leak vraiment. J'ai juste vu dans ma timeline, effectivement, sur Twitter, ou je crois que c'est même via Instagram que je l'ai su, moi, tu vois, donc c'est n'importe quoi. Et que j'ai vu ça, et tout le monde disait, bah, il faut l'écouter, ça y est, il est sorti. Et je me suis dit, bon, bah, tiens, c'est vrai, Kendrick Lamar, j'ai envie de l'écouter, quoi. Et ouais, t'as un côté un peu, moi aussi, un peu victime du buzz, a, victime de la hype. Complètement. Tu dis, complètement. Tout le monde en parle, donc faut, tu sais ce que c'est. Il faut y aller voir ce qu'il y a derrière, ouais, ça, quoi. Bon, là, c'est vrai que je me suis un peu fait avoir, mais c'était un peu involontaire, dans le sens où, comme je te disais, je connaissais pas la date. Après, c'est vrai que je suis un peu d'accord avec ce que disait le mec que t'as cité à la fin. Guillaume Cyr. Ouais, voilà, déjà, ça peut pas se faire pour tout le monde, ouais, clairement, ça ouais, c'est clair ça, et net. Moi, des autres artistes qui en sont à ce niveau-là, qui pourraient faire ça, et pour que j'aille vraiment voir ce qu'ils vont faire, il y en a pas tant que ça, finalement. Il faut que ce soit quand même des gros noms, et puis ouais, si tout le monde le fait, moi perso, voilà, les dates de sortie de CD, je les regarde pas vraiment, je regarde un petit peu quand est-ce qu'il y a des sorties, je regarde ce qui est sorti dernièrement, mais j'attends plus en fait, j'ai déjà entre guillemets dépassé ça, comme quand t'es sur Spotify, tu vois des nouveautés, ouais, tout le temps, et du coup tu regardes même plus trop en fait les dates de quand, machin. J'ai pas l'impression que ce soit en fait une révolution dans l'industrie musicale, ouais, ce genre de pratique. C'est vraiment, il y a un côté un peu, ça donne image de rebelle. Tu vois, genre, ouais, je respecte pas les codes, je l'ai sorti avant tout le monde, allez, ouais, vous faire foutre. Mais bon, rebelle policé, parce qu'il le fait quand même, tu vois, une semaine avant, c'est pas non plus, oui, c'est pas non plus la révolution. C'est pas non plus Radiohead, quoi, tu vois, où Radiohead, eux, ils avaient essayé quand même plusieurs fois de bouleverser vraiment les codes de l'industrie musicale, ouais, en le sortant sur différents formats, en donnant le prix que vous voulez payer, etc. Eux, ils avaient vraiment changé les choses. Ouais. Mais c'était aussi du marketing, quelque mais part. Mais ceci dit, ouais, c'était du marketing, et après, ils le sortaient dans une forme traditionnelle. Ils le sortaient dans une forme traditionnelle. C'était du marketing que je trouvais plus intelligent que là, ouais, juste dire, je le sors une semaine avant tout le monde. Je comprends le côté exclusif, tu l'as très bien dit, je trouve que ça colle extrêmement bien à l'époque. Maintenant, à l'époque, elle se lasse vite, quoi. Donc effectivement, le prochain qui fera ça, ça sera déjà tellement vu. Là, en plus, tout le monde en a parlé, Kendrick Lamar, etc. Si même Madonna a été victime de ça. Ouais. Ouais, enfin ouais, là, Madonna, c'était subi. C'était là, c'est voulu. Donc, finalement, le geste ultime, c'est peut-être plutôt celui de Death Grips qui, finalement, fout presque sa carrière musicale, ouais, en l'air, ça, en disant nous, il sort pas assez vite l'album, on le met en ligne et bah, puis on s'en fout. Ouais, quoi. Ou effectivement, celui de Radiohead, quand ils avaient dit bah, nous, on se sépare de tout label, on le sort nous-mêmes en ligne et vous mettez le prix que vous voulez. Je crois que c'était pour In Rainbows ou quelque chose comme ça qu'ils avaient fait, ouais, ça. C'était pour comment il s'appelle, King of Limbs. King of Limbs, voilà. Ouais. Et là, qui avait dit là, pour le coup, c'était un mouvement à la fois sur la forme et sur le fond, très rebelle et en même temps très intelligent au niveau marketing, parce que pareil, à l'époque, tout le monde en avait parlé. Alors, il s'est peut-être pas aussi bien vendu ou écouté qu'un Kendrick Lamar actuellement. Ouais, mais ça, on en avait quand même pas mal parlé. On en avait beaucoup parlé. Alors là, je me dis, bon, c'est une belle opération pour Kendrick Lamar, mais de toute façon, il aurait certainement, même s'il avait pas fait ça, de toute façon, il aurait certainement créé un gros chiffre d'écoute son album, de toute façon, parce que ça reste Kendrick Lamar, c'est un peu le mec à écouter en ce moment. Mais c'est marrant parce que dans les exemples que tu as cités, je noterai, je sais pas si c'est volontaire ou si tu en as d'autres, mais c'est que du R&B quasiment. Beyoncé, Kendrick, ouais, Lamar, Drake. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a une image. Non, je pense qu'aussi c'est peut-être un mode consommation de ce public-là qui, ouais, va être plus à même d'acheter des albums en dématérialisé, peut-être moins en disque, peut-être qu'ils ont plus pris le virage numérique par rapport à leur public. Peut-être. Je pense que si Michel Sardou faisait ça, ça n'aurait pas le même impact. Exclusif. Michel Sardou a liké son album. Et justement, t'en parlais parce que c'est vrai qu'on fait plus de news secrètes, hein, depuis quelques temps, et donc j'avais listé un peu quelques artistes qui avaient sorti leur album en avance. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns? Moi, je t'aurais dit Björk, mais parce que uniquement t'avais le côté. Mais moi, c'est le dernier dont j'ai vraiment le souvenir. On va dire qu'il m'a marqué, quoi, de Björk. Il a été leaké. Elle a été dépassée par la chose, j'ai l'impression. Mais elle a fait le choix de le sortir quand même en entier. Enfin, il y a eu aussi une réflexion derrière artistique. C'est la première fois, quoi, que je l'ai sorti un peu dépassé par les choses, Björk, artistiquement, bah ouais, Björk, et par le mouvement. Artistiquement, je sais non, pas. Ça, c'est... Non, c'est pas, je voulais pas dire artistiquement, mais par le mouvement, l'évolution de la musique, de la façon dont la musique se diffuse. Après, d'autres albums, non, honnêtement, moi, comme je te dis, je fais pas attention aux dates de sortie, donc je pourrais pas t'en citer plus que ça. On a parlé de Radiohead, hein, pour le coup, qui avait sorti, il l'avait annoncé le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin, et il était sorti 4 jours plus tard. D'accord. Ah oui, donc ils ont changé dans l'autre sens, ils l'ont reculé, la date de sortie. Non, 4 jours plus tard, il était sorti. C'est-à-dire qu'il devait sortir le 14 février et le 18 il était disponible. Enfin, ils ont fait une annonce, pardon, le 14 février pour dire on va sortir notre album, parce qu'en fait, souvent, d'accord, il peut y avoir, tu vois, quand on dit le leak tout de suite, ça peut être, il sort, on l'annonce et il sort 4 jours plus tard. Ouais. Parfois, il peut y avoir un délai quand même. Mais Beyoncé, d'ailleurs, c'était même autre chose, parce que c'était son album était même pas prévu voilà. dans sa timeline. C'est-à-dire que ouais, Sony disait, bah non, il y aura pas d'album avant 2014. C'est et ça. Pour le coup, il est sorti en décembre 2013. Elle en a fait un toute seule dans son coin. Ouais. Et surtout qu'on voit pour une artiste comme Beyoncé, c'est extrêmement difficile, parce que c'est une artiste qui est quand même très épié par les paparazzi, par voilà, c'est-à-dire que dès que Beyoncé bouge une fesse, on le sait, ben voilà, on le sait, surtout tout le monde si, le surtout sait, si c'est une fesse, on le sait. Vu la taille de la fesse, non, ça fait des vagues, ça fait des remous. Et pour le coup, voilà, c'est beaucoup plus dur à cacher que si t'es un artiste un peu moins connu. Non, on avait eu donc un des premiers aussi, enfin un des premiers à avoir fait ça et à l'avoir fait à cette ampleur-là, c'était David Bowie. Ah ouais. Ouais, qui avait annoncé, c'était l'album The Next Day, et son premier album depuis 10 ans, et avec un single qu'on n'attendait pas du tout. Il avait lancé comme ça un single du jour au lendemain. Et pas Prince qui avait fait ça aussi? Prince l'avait fait ouais. aussi, alors je sais plus sous quel... C'était Love Symbol à l'époque. Alors je sais plus si c'était pour Love Symbol ou s'il avait repris un autre nom, mais il y avait Prince. Prince quoi. Il y avait My Bloody Valentine aussi, qui avait fait ça, donc c'était, je crois que ça c'était en 2013. Et en fait, ce qu'ils avaient fait, ils avaient fait juste une annonce sur leur Facebook pour dire, voilà, dans quelques heures, il y aura notre album qui sera disponible. Classe. Donc ça, c'était marrant. Il y avait aussi Jay-Z qui avait fait ça. D'accord. On a eu Justin Timberlake aussi. On a eu les Pixies qui avaient sorti un EP comme ça, ou une chanson, je crois que c'était peut-être un clip. Kaiser Chiefs aussi. Ouais. Voilà, il y a quelques, ouais, y a quand même ça, pas mal d'autres exemples qui ne sont pas que dans la R&B finalement, tu vois. Non, non. Comme quoi. Non, mais c'est marrant. Ouais, je pense que ça ne va pas durer, moi. Je pense que ça va pas durer. Déjà, je pense que les gens, ils s'en foutent. Ça va devenir de plus en plus comme moi ou je sais pas vous, mais ouais, tu vois, les dates de sortie. Disons, ce qui serait intéressant de voir, c'est si un jour quelqu'un le fait et que tout le monde s'en fout. Toi, ça se trouve, il y en a dans ta liste. Enfin, je veux dire, il y en a qui manquent dans ta liste. Ça se trouve, il y en a d'autres qui l'ont déjà fait. Oui, puis... oui, voilà. Tu vois, ouais, non, tu vois qu'un grand nom le fasse et que finalement ça fasse aucun buzz et que personne n'en parle. Et que... Après, en plus, souvent, la différence qu'il y a, c'est que là, pour le coup, quand c'était l'album de Beyoncé, l'album de Drake ou l'album de Kendrick Lamar, les albums avaient été plutôt bien accueillis par la critique. Ouais, c'est ça aussi. Donc notamment là, le Kendrick Lamar, ouais, on en parlait tout à l'heure, il est hyper bien accueilli, donc ça mais joue aussi. Quoi. Ça me fait penser à un truc, alors c'est pas vraiment en lien, mais tu sais, quand Madonna a sorti son clip sur Snapchat, là, genre, on en a parlé sur le coup parce que c'était marrant, mais au final, ça a pas laissé, tu vois, on est vraiment dans la culture de l'instant. Quoi. Ouais, c'est d'ailleurs, ça. Snapchat le prouve bien. Ouais. Hein, et finalement, le fond et la forme se rejoignent pour quelque chose qui disparaît de plus en plus vite. Je ne souhaite pas ça à Kendrick Lamar, mais quelque part, c'est assez révélateur aussi, ouais, de notre façon de consommer, comme tu l'as dit. Donc, je ne sais pas si je suis très pour, en fait, ce genre de pratique. Je préfère avoir un album qu'on redécouvre avec le temps et bon, qu'il soit sorti une semaine avant, que ça soit presque une anecdote dont on se souvienne, oui, comme certains des albums que tu as dit là. Mais de là, en ce que ça en vienne, principal, l'essence, c'est que ça devienne tout de suite un classique. Ouais. Alors que, ouais, ça, c'est un autre débat, vois, par rapport à... Je sais pas si ça, c'est le fait qu'il soit sorti une semaine avant qui lui donne le statut de classique ou s'il y a une enflammade un peu plus... Je pense que Kendrick Lamar fait le buzz, on va dire, en ce moment, fait la hype. Ouais. Voilà, quoi, c'est un peu lui qui fait la musique, entre guillemets, aux États-Unis, quoi. Bon, après, là, c'est un autre débat. Et en parlant de nouvelles façons de consommer, Greg, tu voulais me parler aussi, ouais, de streaming. C'est vrai que moi, j'avais noté aussi un peu des trucs sur le marché de la musique plus généralement, peut-être. C'est, puisque là, justement, tu l'as dit, il a mis un record sur Spotify avec quasiment 10 millions d'écoutes en 24 heures, Kendrick Lamar, quand il a sorti son album. Mais là, c'est vrai qu'en 2014, pour la première fois, le chiffre d'affaires généré par le streaming a dépassé aux USA les ventes de CD. Ouais, j'ai vu ça. Donc là, c'est la Recording Industry Association of America qui a dit ça. Hein. Donc le streaming a rapporté 1,87 milliards de dollars contre 1,85 pour le CD. Donc c'est quand même un dépassement assez symbolique. Hein. Voilà, on savait que ça allait devenir un peu la première source de revenus de la profession dans les pays riches, mais ça y est, c'est confirmé. Hein. C'est quand même passé de 21% du mix musical américain en 2013 à 27% un an plus tard. Et puis le téléchargement, de son côté, on l'a déjà dit plusieurs fois, baisse largement. C'est-à-dire qu'en gros, bah maintenant, Spotify vaut mieux être du côté de Spotify que du côté d'iTunes, hein, qui est largement plus sur le déclin. Qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus, c'est que dans notre pays, en France, comment ça se passe chez nous, la dématérialisation, c'est pas autant gagné entre guillemets dans notre beau pays. Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'avais fait une news sur ça, sur le rapport CD streaming. Streaming, effectivement. Et le CD était nettement devant quand même. Hein. Ouais, ouais. Alors, en les ventes représentent 71% ouais, du marché. Ça. C'est ça, dire ouais. 65%, mais ouais, c'est 71%. Énorme encore. Ouais, ouais. C'est énorme. Ouais, nous, on et est quand tu vois qu'aux États-Unis, c'est carrément l'inverse. Enfin, c'est complètement basculé. Ça a complètement basculé. Alors, ce qui est marrant, c'est quand même que le revenu du streaming en France reste supérieur à ceux des téléchargements, par contre. Ouais. Donc iTunes aussi en France est loin, on va dire, derrière Spotify et compagnie. Le flux vidéo, tu veux dire. Le flux audio. Le flux audio. Effectivement, c'est le mot dièse adapté. Du coup, bon, c'est vrai qu'on peut quand même parler de la prochaine sortie voilà, de Apple qui va concurrencer Spotify avec, avec Beats, le premier service à la demande. Et puis là, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'il n'y aura aucune option gratuite. Donc ça, moi, je ne le savais pas. Je l'ai revu en préparant la news là. Donc il n'y aura pas de service un peu là comme Spotify. Vous pouvez vous inscrire, ne rien payer et puis écouter de la musique. Il n'y aura pas ça. Alors il faudra forcément payer. Alors je rappelle qu'Apple vous compte un peu faire signer des exclusivités pour faire venir les gens, pour faire venir notamment bah, voilà, les consommateurs prêts à payer pour, sur leur plateforme. Moi, j'ai quand même un gros doute. Hein. Est-ce que les plus jeunes vont être prêts à écouter, à payer à nouveau pour écouter de la musique? D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la news pour Spotify. Les maisons de disques sont en train de. Eh bah, si, justement, ouais, ça fait partie des choses dont... ouais, qui m'ont marqué un peu justement sur le marché de la musique. C'est que bah Stan, tu le disais, ouais, les maisons de disques font un peu chier, on va dire, Spotify. Elles viennent un petit peu chercher les noises à Spotify parce que c'est le moment des renouvellements de licences entre Spotify et puis les maisons de disques. Et là, il y a Universal, par exemple, qui est en train de faire pression sur Spotify pour que le modèle gratuit, bah, si possible, pas qu'il disparaisse, mais qu'il soit plus aussi profitable pour le consommateur, quoi. Donc, avec des idées de le rendre tellement contraignant que bah, les gens passent sur l'offre payante qui est quand même plus intéressante pour tout le monde. Hein, le téléchargement illégal. Et bah voilà, ouais, ils connaissent mal leur public ou visiblement mal le public des jeunes. Donc là, il y aurait donc Universal qui ferait pression sur Spotify, apparemment Sony Music et Warner Music aussi. Et eux, ils estiment, enfin, ils suggèrent à Spotify de, par exemple, faire des limites sur la durée d'écoute, sur le nombre de morceaux accessibles, sur les limiter les offres à un type de flux de radio plutôt qu'à l'accès de recherche de morceaux spécifiques. On se souvient, par exemple, des propos de Pascal Nègre hein, en 2011 qui disait quand on voit des gens qui écoutent 35 fois la même chanson, vous dites qu'au bout d'un moment, le gars, il faut qu'il aille acheter le titre. Voilà, il avait déclaré ça un peu énervé, hein, Pascal Nègre. Je vais poser une question de nous. Moi, j'utilise Spotify, mais sans payer rien. Hein. Ouais, bah, ça rapporte rien à personne. Je vois pas de limite. Je crois que c'est de la pub que t'entends de temps en temps. Je me souviens des débuts de Spotify, en fait, où tu pouvais écouter, mais genre, t'avais un compteur et je dis n'importe quoi, 100 minutes par mois. T'as Deezer qui fait encore ça. Deezer, c'est genre, quand t'es pas abonné, c'est Deezer, justement, je crois que c'est Deezer. Deezer gratuite. Ouais, Deezer Spotify, par semaine. Mais en fait, j'écoute des albums en entier sans Spotify, c'est peut-être genre le nombre de fois que t'écoutes le morceau d'affilée. Enfin, je sais plus exactement. Mais vraiment, je peux passer une journée de 8 heures à écouter Spotify. Quand t'écoutes 35 fois Michel Sardou, il te le met toujours. Non, il me laisse écouter Michel Sardou. C'est peut-être à tort, justement. Que sur Michel Sardou que ça marche. Non, mais en gros, justement, c'est marrant parce que les offres de limite comme ça, des offres gratuites, Spotify et Deezer, ils essayent, ils auraient déjà essayé dans le passé plusieurs modèles et à chaque fois ça a été un peu l'échec et ils sont revenus justement des offres où t'as limite pas l'impression en fait que t'es limité. Mais en quoi, plus, si je peux me permettre, si Spotify me mettait des bâtons dans les roues, j'irais sur YouTube. Non, mais bah, moi, c'est ça qu'ils n'ont pas compris en fait. J'écoutais Deezer à base et à un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait une limite. Donc je suis allé sur Spotify. Voilà. Et je me suis dit bon ok, il y a de la pub, ça me saoule, mais bon à la limite c'est enfin voilà, je trouve ça normal. C'est comme écouter une radio quoi. Voilà, c'est comme écouter une radio. T'as même moins de pubs hein, franchement. Ouais, t'en as quand même pas mal et c'est toujours la même. Donc ça c'est sympa. Ça par contre c'est relou, ouais. Et en plus elle n'a rien à voir avec ce que t'écoutes. Ça c'est dommage. Ah, il faut donner tes données personnelles à Spotify. Ouais, voilà. Livre tes backdoors. Grégoire, voilà. Tu as dit tout ce que tu voulais dire sur ce sujet. J'ai tout dit. On va basculer un peu du côté visuel. On est peut-être du côté audio. On va parler du Mexique apparemment. Ouais, du cinéma, tu veux dire. Voilà, oui, c'était une façon de dire la chose. C'était un pont entre deux univers. Oui, encore une nouvelle rumeur qui nous vient du hack de Sony Pictures en novembre dernier, dont j'avais parlé. En fait, je fais un peu toujours le suivi de mes news. Oui, je vois ça. Vrai, je vois ça à chaque fois. Tu me cites bien en fait. Voilà, je me dis peut-être que ça incitera des gens à réécouter des vieilles actus. Podcast numéro 3. Quelque chose comme ça. Podcast 4, 5, 6, 7, le hack de Sony, je pense que j'en ai parlé depuis les interviews jusqu'au hack, ça a duré quand même pas mal de temps. Attends, excuse-moi, hop, je suis. Voilà. Je faisais juste une petite. On a perdu Julia qui s'est amusé sur son ordinateur. Voilà, non, je suis sur la réserve de batterie. Hein, donc il va falloir que vite que je me branche à une prise de courant. Voilà, donc je vais reprendre. Voilà, donc j'avais abondamment parlé de cette news et on a appris que le Mexique aurait versé 14 millions de dollars à Sony Pictures et à la MGM pour modifier le scénario de Spectre, le prochain James Bond. Alors la raison, c'est qu'une partie du film se déroule au Mexique, dans les quartiers défavorisés, et qui met en scène en fait un Mexicain qui est chargé d'assassiner un homme politique. Donc, avec en fait une telle somme versée, le Mexique chercherait à faire modifier certains aspects du film qui pourraient faire du tort à l'image du pays. Il souhaiterait que les méchants ne soient plus mexicains et que Mexico soit montré sous un meilleur jour. Autre souhait supposé des autorités locales, imposer au casting une actrice mexicaine, donc qui s'appelle Stéphanie Sigman, qui a d'ailleurs rejoint le casting de Spectre. Donc, le producteur délégué de Spectre, qui s'appelle Michael Wilson, a réagi suite à ces accusations pour les réfuter. Lui, il a dit « L'écriture du scénario n'a jamais été modifiée, le méchant a toujours été un Italien, il apparaît dans les scènes que nous avons déjà tournées à Rome. Nous avons toujours eu une actrice mexicaine pour le rôle d'Estrella. Nous avions choisi Stéphanie Sigman pour ce personnage dès le départ. » Donc le Mexique, de son côté, n'a pas commenté les accusations. Donc ceci dit, le producteur dont je parlais, Michael Wilson, a déclaré que partout où il passait, 007 était très bien accueilli. Donc il a déclaré, moi ce qui m'a fait un peu réagir, « Partout où nous allons, on nous incite vivement à bien parler du pays concerné. Parfois ce sont des incitations financières, parfois il s'agit de facilités de tournage ou encore l'accès gratuit à différents services locaux. » Bon, alors de là payer 14 millions de dollars de la part du Mexique pour améliorer son image, mais on voit que souvent c'est quand même que James Bond reste un ambassadeur pour aller dans les pays. Ouais, ça existe quand même, hein, cette petite marchandisation du James. Grégoire, tu voulais nous parler, toi, d'une autre super-héroïne. Pas du tout, James Bond n'est pas du tout super-héros. C'est pas une James Bond girl, non. Voilà. C'est une super-héroïne, effectivement, c'est Batgirl, puisque le comic dédié à Batgirl a connu un renouveau éditorial accompagné d'un joli succès depuis quelques mois maintenant. Et là, il s'est retrouvé entre ces deux podcasts au cœur d'une polémique un peu inattendue, puisque dans le numéro de juin, qui devait un peu marquer une étape importante dans l'évolution scénaristique de la parution, il était prévu de faire des variant covers, donc ce qui est des couvertures alternatives, ce qu'on appelle quelque chose qui se fait relativement classiquement dans les comics américains. Et il y en a une de ces variant covers qui a fait couler beaucoup d'encre, donc la variant cover de Raphaël Albuquerque, qui montre le Joker, en fait, donc le fameux personnage de Batman, le Joker en train de dessiner un sourire de sang sur le visage d'une Batgirl terrorisée en larmes. Voilà, ils nous font face, et c'est vrai qu'elle a l'air, elle a les larmes dans les yeux. Et clairement, pour ceux qui connaissent un petit peu Batman, là, c'est un rappel évident à un tournant un peu fondamental dans la mythologie du Dark Knight, qui est l'excellent album Killing Joke, qui a été publié en 1988, que je conseille à tout le monde. Je referai peut-être un conseil d'ailleurs là-dessus un jour. C'est vrai que voilà, donc dans Killing Joke, le Joker, à un moment, tire sur Batgirl, donc alias Barbara Gordon, et il la laisse paralysée. Elle sera, en plus de ça, agressée par les sbires de Joker. Et on évoque aussi clairement dans The Killing Joke le viol de la Batgirl. Alors pourquoi ça a créé polémique ? Bon, c'est sûr que le sujet il est un peu sombre, mais c'est vrai que la cover qu'on mettra sur notre site, sur upcast.fr, elle est assez violente graphiquement. Elle est très éloignée justement aussi de l'actuelle série de l'héroïne qui se destine notamment plutôt aux jeunes filles. Donc c'est vrai que ça faisait un petit peu tâche par rapport au public destiné. Et puis là, il y a beaucoup de gens qui se sont un peu énervés contre cette représentation faite de la Batgirl dans cette illustration où elle est plutôt victime plutôt que super-héroïne. Donc on est un petit peu à l'antipode de la publication à l'heure qu'elle est. Il y a des féministes qui ont dit que c'était une illustration qui mettait en scène de façon goguenarde des violences faites aux femmes, voire qui instrumentalisait cette image des violences faites aux femmes, que la couverture participait d'une représentation de la femme comme un personnage nécessairement faible malgré ses capacités super héroïques. Et en plus de ça, qui a rajouté un peu d'huile sur le feu, c'est que DC n'avait pas jugé bon de montrer la couverture à l'équipe créative de Batgirl avant validation. Donc ça en plus un petit peu rajouté des débats sur Twitter. Il y a même eu un hashtag aux États-Unis qui s'appelait Change the Cover, qui est même devenu un trending topic. Et du coup, DC Comics a d'abord réagi en publiant un communiqué qui précisait quand même, pour ceux qui ne le savaient pas, que la cover rendait bien hommage à Killing Joke. Déjà, c'était important de le préciser, tout le monde ne l'avait peut-être pas compris. Et puis finalement, c'est le dessinateur lui-même, donc Raphaël Albuquerque, qui a décidé lui-même de retirer en fait sa variante cover devant la polémique. Et du coup, ça s'est pas arrêté là, puisque maintenant, il y a eu des voix qui allaient de l'autre côté, on va dire, qui ont dénoncé un peu la frivolité de l'éditeur, en disant, maintenant, il suffit d'avoir des propos un peu violents. Et il y a eu des propos assez violents des féministes, et ça implique la fin de la liberté d'expression dans le monde des comics. Donc tout ça s'est transformé en une vaste interrogation sur la liberté des dessinateurs, à l'heure où c'est vrai que maintenant n'importe quelle petite polémique sur Twitter peut provoquer un effet de masse et faire pression sur autant les artistes que sur les éditeurs. Donc il y a un autre hashtag qui s'est créé qui s'appelle Save the Cover. et qui dit que bah non, il faut pas justement revenir en arrière parce qu'on revient sur quelque chose qui est lié à de la censure et que c'était peut-être du libre arbitre du dessinateur de vouloir dessiner tout simplement ça. Et puis ça va aussi un peu dans un autre sens, ce débat actuellement, c'est la liberté de création sur les super-héroïnes qui est également questionnée là-bas aux États-Unis. Donc je conclurai là-dessus puisqu'il y en a certains qui se demandent tout simplement maintenant comment faire des histoires de super-héroïnes dans lesquelles elles ne seraient face à aucun danger important. Et c'est vrai que voilà, cette image, elle était graphique, elle était choquante, elle suggérait une histoire, elle rappelait une histoire où il y avait une suggestion d'un viol, donc c'est clairement une histoire dure. Mais en même temps, on pourrait arguer que bah, si c'était une super-héroïne, il faut bien qu'elle ait en face d'elle des menaces violentes pour pouvoir justement faire en sorte qu'elle ait des défis importants à relever et du coup la rendre encore plus héroïque. Donc voilà, on suivra ce débat, on verra où ça va mener, mais en tout cas actuellement, la couverture est annulée, donc ça sera remplacé par une autre cover. Très bien, merci Grégoire. C'est intéressant cette histoire. Ouais. Julien, tu voulais nous parler de Lynch. Oui, donc on l'avait annoncé ici, on était en fait tout heureux, c'est-à-dire Twin Peaks, la série mythique de Frost, Richard je crois, ou Robert, je ne sais plus, et David Lynch. Robert je crois. Robert Frost, ouais. Ouais, il me semble. Ouais. J'avais mis juste Frost et Lynch, hein, donc voilà. Allez connaître 25 ans après une troisième saison sur Showtime. Ah ben, eh bien, c'est plus aussi sûr aujourd'hui, puisqu'en fait, David Lynch, lors d'une masterclass qu'il a donnée en Australie, a laissé planer le doute, faisant état de négociations non abouties, comme il dit, et sur les contrats et de complications. Alors, en fait, plus qu'une annulation, on ne parle pas vraiment d'annulation en ce qui concerne la troisième saison, on parle d'un possible retard par rapport à la date annoncée, qui était de 2016. Donc, on peut penser que les tractations, les discussions sur les contrats prennent un peu plus de temps, et qu'une fois que tout ça sera rentré dans l'ordre, ça reprendra son cours, mais qu'on aura peut-être perdu un peu de temps par rapport à la date initiale prévue, mais bon, apparemment, de sources internes, il faut pas. Enfin, j'ai pas de sources internes, mais deux sources internes qui étaient citées. J'ai appelé David et il m'a dit ne vous inquiétez pas, vous l'aurez. Vous l'aurez, j'ai appelé Robert. En fait, il s'appelait Richard et donc il m'a raccroché. Mais voilà, donc bon, c'était juste un retard au début. Moi, je pensais que c'était. Il y a eu des rumeurs d'annulation. Mais ça a été démenti quelques jours après. Donc, on devrait avoir la troisième saison de Twin Peaks. Et voilà, et ben, moi, dans le cadre des choses qu'on attend ou pas, on ne sait pas, à vous de me dire, c'est Gaston Lagaffe qui va peut-être arriver au cinéma, puisque les droits d'adaptation cinématographique de Gaston Lagaffe ont été achetés par UGC à Dupuis. Et ça serait Pierre-François Martin Laval, donc PEF, hein, dans Les Robins des Bois, qui réaliserait cette adaptation prévue pour 2016. Pour l'instant, il est sur la suite des Profs, je crois que moi, j'ai pas encore vu. Artistiquement, moi, ça m'a fait un peu des doutes. Hein. J'ai un peu des doutes là-dessus. Bon, c'est vrai que Gaston Lagaffe à l'écran, bon, il va falloir trouver un acteur quand même. C'est un film live, hein, c'est ça. Ouais, il va falloir trouver un acteur. Ça me fait peur, surtout quand je vois les Profs. Ouais, bon, je sais pas. Il faut savoir que je rappelle quand même, il y en avait eu un en 1981 de film qui s'appelait Fais gaffe à la gaffe, réalisé par Paul Boujna avec Roger Miremont dans le rôle principal. Voilà, c'est pas resté dans les mémoires, hein, donc je pense que c'était pas un grand film. On espère que Pierre-François Martin Laval fera peut-être mieux, exploitera mieux le potentiel énorme de la BD de Franck, hein, pour son adaptation en 2016. À voir. Oui, donc moi je vais enchaîner avec une news. Il y a un livre en fait dont on parle beaucoup en ce moment avec l'émergence de la réalité virtuelle et des casques dédiés, c'est Ready Player One, qui s'appelle Player One en français. Ouais. Ils ont dû se dire Ready, les gens ne savent pas ce que c'est. Ils vont pas comprendre. Ils sont trop cons. Donc c'est le livre, donc Ready Player One, c'est le livre d'Ernest Cline qui est sorti en 2011. Alors en fait, ça raconte quoi rapidement? C'est les aventures d'un jeune garçon du nom de Wade Watts, qui vit en fait chez sa tante, et dans un bidonville, comme quoi c'est pas incompatible, hein. Pas forcément de lien de cause à effet, en 2044, et qui passe en fait le plus clair de son temps dans l'Oasis. Donc l'Oasis, c'est quoi? C'est un univers virtuel global auquel on accède via un casque et un gant haptique. Et donc pour info, c'est le livre de chevet du jeune créateur d'Oculus qui s'appelle Palmer Luckey et qui l'a en fait, apparemment tous les gens qui bossent chez Oculus, on leur dit bah il faut lire ce livre. C'est marrant, ça. Puisque quand il a lu le livre, il a dit ouais, tout ce que je voulais créer était dans ce livre. Et en fait, on a appris que la Warner avait confié la réalisation du film à Steven Spielberg. Boom. Nolan avait été pressenti un temps et finalement c'est Spielberg qui va réaliser l'adaptation de son livre dont on parle beaucoup. C'est bien, ce qui est pas mal quand même. Ouais, hein. Il est bon là-dedans. En parlant de gros projets de SF, là c'est le premier spin-off de Star Wars dont je voulais reparler, Rogue One, hein, j'en avais parlé lors du podcast précédent, et là on a appris que ça serait Alexandre Desplat, hein, donc le Frenchie qui allait faire la musique de ce spin-off, ce qui veut dire bah, pour les fans que ça ne sera pas John Williams, hein, qui peut être un peu étonnant puisque toutes les bandes originales de Star Wars avaient été jusqu'ici confiées à John Williams, hein, même la prochaine, à savoir Le Réveil de la Force. Bon, c'est vrai que maintenant il commence à être un petit peu plus âgé, il a quand même 83 ans, hein, John Williams, donc il va peut-être prendre un petit peu de repos mérité. En tout cas, voilà, ça sera donc Alexandre Desplat qui fera cette musique et ça sera sa deuxième collaboration avec Gareth Edwards, hein, puisqu'il avait fait l'OST de Godzilla. Le Frenchie, justement, il a aussi quand même d'autres grands scores à son actif. Si vous voulez un petit peu écouter son travail, hein, notamment il y a Le Discours d'un roi, L'étrange histoire de Benjamin Button et The Grand Budapest Hotel qui lui a rapporté un Oscar quand même cette année. Hein, donc voilà, c'est pas n'importe qui non plus. Je rappelle juste pour conclure que Rogue One, donc le spin-off de Star Wars, est prévu pour le 16 décembre 2016. Super. Oui, donc autre news ciné, Grégoire vous parlait il y a quelques émissions, encore une fois, moi je fais que des liens, c'est une thématique, je viens de m'en apercevoir en fait, en regardant mes news, la possibilité de voir sous le masque de Spider-Man, non plus Peter Parker mais Miles Morales. Tout à fait. Donc le New-Yorkais métis aux origines africaines et latinos, il va falloir encore patienter puisque la présence de Spider-Man dans le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe, se fera encore une fois sous les traits de Peter Parker. Oh là là. Donc ce Spider-Man devrait faire une apparition dans le prochain Captain America Civil War. Ça fait un peu chier. C'est un peu une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire qu'on va revoir la piqûre de l'araignée encore une fois. Bon bref, moi je vais vous parler d'un projet pour le coup. On est loin de l'originalité avec Spider-Man, mais là je vais vous parler d'un projet assez original qui s'appelle The Bad Batch. Qui est un projet un peu déjanté, donc qui est mené par l'anglaise Anna Lily Amirpour, qu'on avait déjà un petit peu entendu, parler d'elle au Festival de Sundance 2014, avec son premier long métrage dont vous avez peut-être entendu parler, c'est A Girl Walks Home Alone at Night, qui parlait d'une femme vampire habillée en burqa, qu'elle décrivait elle-même comme un film western spaghetti iranien. Et là, son prochain film, la réalisatrice va diriger donc Keanu Reeves, déjà, Jim Carrey, quand même, et puis aussi donc Diego Luna, Suki Waterhouse et Jason Momoa, donc c'est celui qui jouait Khal Drogo par exemple. Et là, ça va parler donc d'un récit qui se déroule au Texas en période post-apocalyptique au sein d'une communauté cannibale. Et ce The Bad Batch, hein, donc le The Bad Batch, se décrit avant tout comme une histoire d'amour, donc où Jason Momoa entretient une histoire d'amour avec sa nourriture. c'est Megan Ellison qui est derrière Spring Breaker et Foxcatcher qui produit le film. Voilà, je ne sais pas si ça sortira en France, mais ça m'avait l'air assez prometteur en termes d'originalité justement. Oui, donc avant les cérémonies, généralement les Oscars, les Césars, les Golden Globes, Cannes, souvent on se perd un peu en pronostics, on a des prises de position pour défendre tel ou tel film généralement qu'on n'a pas vu, où on dit tiens, pourquoi cet acteur n'a pas gagné alors que l'autre il était génial dans ce film, même si on ne l'avait pas vu, mais voilà, on aime bien quand même. C'est vrai. Et bien en fait, Vin Diesel va mettre court à tous ces débats, enfin pour les Oscars tout du moins, puisque le bon Vin a déclaré à propos de Fast and Furious 7, qui sort demain d'ailleurs je crois, il a dit il va probablement remporter l'Oscar du meilleur film, sauf si les Oscars ne veulent pas être pertinents. Et il a surenchéré en disant il va gagner l'Oscar du meilleur film, rien ne pourra approcher le pouvoir de ce truc. Voilà. Sur, attends, Fast and Furious 7. Ouais, Fast and Furious 7. Ouais. Donc on verra bien si les Oscars font preuve de pertinence en 2016. Bon, alors ceci dit, blague à part, le film a plutôt et bien été accueilli par la presse française lors des avant-premières. Ah ouais, ouais. Apparemment, d'accord. C'est un très bon Fast and Furious. Ouais, alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Est-ce qu'un très bon Fast and Furious, c'est un bon film ? Non, mais c'est, moi, ça m'a fait assez rire parce qu'on sait quand même la séparation parfois qu'il peut y avoir entre les blockbusters d'un côté, le cinéma d'auteur et ce qui est récompensé dans les Oscars, et même dans ce qui est récompensé dans les gros films, c'est pas forcément des choses comme Fast and Furious. Donc je trouvais ça portait un peu plus à sourire, à part s'il donne un Oscar posthume à Paul Walker, mais bon. Voilà. Ouais, justement, on parle du lien entre gros blockbuster et film indépendant, et là, la transition est toute trouvée puisque je vais vous parler du séquel d'Independence Day, et dans lequel, a priori, les sites américains The Hollywood Reporter et Deadline annoncent l'actrice française Charlotte Gainsbourg qui intégrerait le casting du film. Et effectivement, cette information a été confirmée par Roland Emmerich sur Twitter. Bon, voilà, donc elle va rejoindre Liam Hemsworth et Jeff Goldblum, donc il n'y aura pas Will Smith dans cette suite, et c'est vrai que ça avait un peu, c'est une suite qui fait un peu débat, hein, puisque ça avait lancé la vague des films catastrophes, ce qu'on avait appelé les films catastrophes propres, donc savoir qu'on ne voyait pas de victimes à l'écran, même s'il y avait plusieurs milliards de morts, on ne voyait pas de sang et pas de victimes, et surtout pas de chiens tués. Là, bon, ça m'a un peu étonné, parce que c'est vrai que Gainsbourg, elle n'est pas trop connue dans sa carrière d'actrice pour des trucs comme Independence Day, elle est plutôt connue pour des plus petits films. Bon, à mon avis, elle va s'éclater, elle veut juste s'éclater dans un truc comme ça. Moi, ça m'a fait penser en fait à... Moi, je dis qu'elle fait bien. Ouais, je sais pas, ça m'a fait penser à Juliette Binoche dans Godzilla en 2014, justement, où elle était au casting et elle était complètement inutile, hein. On la voyait deux minutes, elle servait à rien, donc c'est peut-être un rôle comme ça qui va lui l'attendre. En tout cas, on aura la réponse le 24 juin 2016 aux États-Unis. Oui, on a aussi appris que Mad Max Fury Road serait présenté lors du 68e Festival de Cannes en sélection officielle, mais hors compétition. le jeudi 14 mai, donc pas le jour de l'ouverture du festival, mais le lendemain, et que la sortie en salle était prévue le même jour. Voilà. Super, ça c'est un film que j'attends beaucoup, et peut-être que j'attendais beaucoup, je ne sais pas quoi penser, de X-Files 2, hein, je vous en avais déjà parlé, du retour de la série que moi je trouve mythique, hein, que j'ai une série que j'ai beaucoup suivie quand j'étais plus jeune. Donc là vous le savez, hein, la série va avoir le droit à une nouvelle saison, et ça sera une saison courte, puisqu'il n'y aura que 6 épisodes. Vous le savez déjà, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, dernier podcast, que les deux acteurs principaux, donc David Duchovny, Gillian Anderson, seraient de la partie, et que Chris Carter aussi, le créateur de la série, serait du jeu, hein, on va dire. Donc tout ça, bon, qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi je l'ai intitulé quand même X-Files 2, ça sent le sapin, pour interrogation, donc vous avez compris que je suis pas enthousiaste. J'ai un peu l'impression que c'est un manque d'imagination qui a fait que la série revienne un peu sur le devant de la scène. Je suis un peu méfiant devant cette initiative. En plus, il y a des rumeurs qui teasent un peu les retours de Robert Patrick, hein, donc l'agent spécial John Doggett, Annabeth Gish qui jouait Monica Rice, Mitch Pileggi, alors ou Pileggi, je ne sais pas comment on dit, celui qui joue Skinner, William B. Davis, l'homme à la cigarette tout simplement, même si théoriquement dans la série il est mort. Et puis il y a d'autres choses qui me mettent un peu des doutes. Je rappelle par exemple que Mulder et Scully ont quitté tous les deux le FBI en fin de série, hein, donc le bureau des affaires non classées est fermé. Puis aussi quelque chose qui m'inquiète un peu, c'est que dans ce revival, normalement il va se dérouler à notre époque, ce qui veut dire que a priori Mulder et Scully sont vraisemblablement ensemble. Et en général, il y a quelque chose dans le monde des séries qu'on appelle la malédiction clair de lune, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit que en fait quand il y a deux protagonistes principaux et qu'il n'y a plus de tension sexuelle entre ces deux protagonistes, les audiences s'effondrent massivement. Donc ça risque d'être le cas pour X-Files. Ça vient donc de la série Clair de Lune, hein, qui était avec Bruce Willis, qui avait, à partir du moment où il s'était mis en couple, en gros plus personne n'a regardé. Ça a été un peu le cas pour d'autres séries que je ne spoilerai pas ici, pour Madame et Servie, c'est vrai, peut-être. Tout le monde rêve de voir Madame et Servie, donc désolé d'avoir spoilé pour ça. Il y en a d'autres que je ne spoilerai pas, bref. Peut-être que pour X-Files 2, ça sera aussi ça, donc moi j'ai un petit peu de méfiance sur cette série. Voilà pour ce qui. Super, merci pour toutes ces news, assez rapide, hein, on en avait beaucoup, donc on a été assez rapide, mais toutes ces news ciné, toutes intéressantes. On va passer tout de suite à la rubrique Art ludique. Pour la rubrique jeux vidéo, Grégoire. On avait plusieurs news intéressantes cette semaine en fait qui se. Il s'est passé plein de choses dans les jeux vidéo. Merci, cette semaine. Grégoire, j'ai du mal à parler. On a hésité à vous parler de Kojima, notamment Julien qui voulait revenir sur l'affaire Kojima, qui est plus ou moins partie de chez Konami. Bon ouais, après c'est du factuel, hein. Il n'y a pas forcément de débat à avoir autour de ce sujet-là. Hein. On reviendra peut-être dessus si. Si ça évolue, je pense qu'il y aura de toute façon des suites à cette affaire, de savoir qu'il a été plus ou moins évincé des productions, que Kojima Productions va sûrement être démantelé, qu'il partira certainement en fin d'année après la sortie de MGS5. Voilà. Donc voilà, il y aura d'autres. Sachez juste cela et puis on reviendra dessus si. Ouais. On a plutôt choisi d'aborder les dernières évolutions de Nintendo. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'actu de la semaine, des podcasts, ils ont un peu tout tué. Nintendo, on s'y attendait pas forcément. Le 17 mars, genre juste après notre podcast, ils ont fait ça. Ils ont attendu, hein, je crois qu'on le publiera, il me semble. Ils m'ont appelé là. Et donc, ils ont annoncé quand même des gros trucs, à savoir, surtout, principalement, finalement, peut-être, à vous de me dire, hein, ce que vous en penserez, mais le fait qu'ils arrivaient sur mobile, quoi, hein, tout simplement, avec un partenariat avec DNA, qui n'allait pas faire des portages de leurs jeux sur mobile, hein, puisque Satoru Iwata a expliqué en gros que s'ils utilisaient les mêmes licences, ils allaient un peu tuer justement la valeur de Nintendo, donc que là ils allaient prendre en compte le fait qu'il y avait des différences significatives en matière de jouabilité entre console et smartphone, et que du coup ils voulaient que tous les nouveaux jeux correspondent parfaitement au style de jouabilité des smartphones, donc on avait un peu l'impression quand même que ils se voulaient rassurants du côté Nintendo et qu'ils allaient accorder quand même une grande importance à la qualité de ces jeux mobiles. Ils ont confirmé, ils ont dit, suite à cette conférence, que le développement des jeux mobiles sera principalement fait par Nintendo. Hein. Nintendo reste, on va dire, est l'expert entre DNA et Nintendo. C'est plutôt Nintendo qui reste l'expert pour créer le développement de jeux traditionnels, du côté jeu, on va dire. Par contre, ils vont se reposer effectivement beaucoup sur DNA pour l'aspect encourager les consommateurs à jouer chaque jour dans un même temps limité, et là-dessus c'est vrai que DNA a un important savoir-faire sur le développement côté service des choses, on va dire. Sur leur réseau aussi, c'est... Leur réseau, oui, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, hein, mais DNA, c'est un énorme comment dire, c'est un énorme gestionnaire de réseau un peu au Japon. Bon, on en reparlera peut-être un petit peu après dans les accueils que les gens ont réservés, mais il y a tout un système qui s'appelle le gacha derrière DNA qui effectivement vend des items, etc. Vous pouvez les acheter, des items aléatoires qu'après vous rééchangez contre deux autres items. Donc ils sont très très bons, on va dire, pour créer des réseaux et animer ces réseaux pour que les gens reviennent jouer à leurs jeux très régulièrement au Japon. C'est quelque chose, on va dire, qu'on sentait un peu plus ou moins quand même ce rapprochement de Nintendo et du monde du mobile, hein, notamment à travers les choses comme Puzzle and Dragons, Super Mario Bros. Édition sur 3DS dont tu avais parlé, je crois, Julien. Ouais. L'édition Super Mario. C'est ça, d'un jeu qui n'est pas édité par eux, hein, pour le coup, si je me semble bien. Qui est sorti au Japon sur mobile. Exactement, il y a eu les essais de free-to-play, hein, comme Pokémon Shuffle, qui en plus cartonne, qui a de quoi un peu rassurer d'ailleurs la Nintendo sur son avenir sur mobile, parce que c'est un vrai carton. De leur côté, DNA, ils estiment qu'avec cet accord, ils pourraient arriver à toucher jusqu'à 100 millions d'utilisateurs tous les jours, actifs, avec les licences, on va dire, lucratives de Nintendo. Et alors, au-delà de l'arrivée sur mobile, ils ont aussi annoncé, le partenariat Nintendo et DNA ne s'arrête pas là, hein, puisqu'ils vont également développer un service en ligne. C'est là où vraiment il y a toute l'expertise de DNA aussi, compatible avec toutes les consoles de Nintendo, les smartphones, les tablettes, les PC, et qui devrait être un peu prêt en actif cet automne, normalement. Alors on n'est pas encore tout à fait sûr de la date. Le but, c'est de remplacer concrètement le club Nintendo, hein, qui va disparaître. Là, c'est DNA qui va justement se charger de bâtir l'infrastructure réseau. C'est vrai que Nintendo, ils sont pas forcément très bons, on va dire, du côté unification de leur réseau. C'est pas leur fort. Non, c'est toujours un peu compliqué, même quand on change de 3DS vers une New 3DS, c'est assez compliqué. Donc là, ils vont remettre tout ça à plat. Et là, ça va permettre d'inclure des multiples appareils et ça va créer une connexion entre Nintendo et chacun de ses clients. Donc ça, c'était un peu les deux grosses annonces. Et c'est vrai que pour ce partenariat, on voit quand même qu'il y a une implication financière derrière. Donc, c'est-à-dire, je crois que c'est une joint venture, hein, le terme c'est officiel. Une vraie joint venture. Voilà, puisqu'il y a effectivement une récupération des parts pour chacune des entreprises. Hein. Donc, Nintendo récupère 10% des parts de DNA et DNA achète 1,24% du fabricant japonais pour la même somme. Donc, cette transaction financière, elle a lieu dans deux jours, le 2 avril, au moment où on enregistre. Et la bourse a aimé d'ailleurs. La bourse a bien aimé. Ça fait partie des réactions positives que je vais lister tout à l'heure. Effectivement, c'était quelque chose de très attendu. Alors, il y a une question qui se pose à la fin de cette conférence que tout le monde se pose, c'est est-ce que les modèles de jeu seront des freemium ? On sait que ce ne sera pas des portages, mais est-ce que ça va être des freemium, des free-to-play, ce genre de choses ? Là-dessus, on n'est pas encore tout à fait sûr de ce qui... On a l'impression que même le président Nintendo, hein, dit qu'il se pose des questions, mais qu'il ne se ferme aucune porte. Hein. Il appelle ça, lui, déjà, c'est intéressant de le noter, des free-to-start et non pas des free-to-play. J'ai trouvé ça déjà plus honnête de sa part. Ils disent qu'ils l'incluent, qu'ils y réfléchissent et que pourquoi pas. C'est vrai que ça rassure pas forcément quand on dit free to play, hein, notamment toi Julien, je sais que t'es pas fan, moi je suis pas très fan non plus. Oui, parce que c'est pas un mode de consommation auquel j'étais habitué, je pense. Ouais. Pour ça. Ouais. Et c'est vrai qu'en général, on l'associe peut-être de à tort, hein, mais à mauvaise qualité le free to play. Donc là, bon, en tout cas, ils le mettent pas de côté Nintendo. Ils disent qu'ils vont peut-être faire un modèle pour chaque jeu, que ça ils verront en fonction du jeu, que rien n'est encore décidé. Mais en tout cas, ils disent qu'ils n'ont aucune intention de choisir un moyen de paiement qui pourrait causer du tort à l'image de marque de Nintendo ou à leur licence et que les parents n'ont aucun problème à mettre dans les mains de leurs enfants. Donc ils restent quand même conscients de leur grande force, hein, savoir l'image positive qu'ils ont vis-à-vis des enfants et des parents surtout. Ils ont quand même aussi fait une autre petite annonce en plus du partenariat avec DNA, c'est la NX, un tout nouveau concept. Hein. Là-dessus, j'en dirais pas énormément parce qu'on ne sait pas grand-chose en fait. Hein. Donc ils ont annoncé un peu cette nouvelle machine, ce nouveau concept, un peu comme la preuve que Nintendo est toujours impliqué avec passion dans le marché des machines purement dédiées aux jeux. Et ils l'ont annoncé lors de cette conférence avec l'ambition de créer un pont entre les consoles et le mobile et que c'est pas une remplaçante pour la Wii U ni pour la New 3DS, hein, qui était sur le même graphique entre guillemets, il y avait New 3DS, Wii U et la troisième NX. Donc qui va certainement pas s'appeler comme ça à la fin. On peut quand même se demander est-ce que ce sera une console portable, est-ce que ça sera une console... On ne sait pas du tout ce que c'est. On ne sait pas du tout. À part que c'est un système de jeu, donc déjà on sait que ce n'est pas du quality of life, ce ne serait pas un téléphone par exemple. Non. Mais on ne sait pas si c'est une console portable, si c'est une, si c'est une console de salon, si c'est une, ce qu'on appelle souvent la fusion et qui serait un appareil qui permet de faire le portable salon. On n'en sait rien. Donc c'est vrai que quand on ne sait rien de quelque chose, ça spécule d'autant plus et on a tout un tas de théories. Ah, c'est difficile de se prononcer là-dessus. Hein. Ouais. Moi, c'est vrai qu'alors tu dis c'est peut-être, a priori, ça ne serait pas Quality of Life, mais peut-être que le Quality of Life serait dedans, enfin serait quand même intégré dedans. C'est vrai qu'on en sait, en fait, on n'en sait absolument rien. Moi, ça m'a fait repenser au fameux, la fameuse news de Sharp avec ses écrans. Ouais. En forme de donut, par exemple, qu'ils étaient en train de développer peut-être pour Nintendo. Peut-être que ce sera ça. Enfin, là-dessus, on n'a absolument aucune visibilité de ce que ça va être, mais je suis assez impatient, en tout cas curieux. Autant le service dont tu parlais qui va en fait lier tous les appareils, on peut imaginer ce que ça peut être. Autant là, sur une nouvelle machine, c'est impossible de savoir ce que ça va être. Bah, surtout qu'ils ont vraiment l'ambition d'en faire un truc apparemment très hybride et très, du jamais vu, quoi. Du vraiment jamais vu. Ils veulent le positionner comme ça. Donc moi, je suis assez confiant, on va dire, là-dessus pour Nintendo, pour apporter des nouveaux appareils un peu imaginatifs. C'est un peu leur grande force. Bon, du coup, pour parler peut-être un peu de vos réactions et des réactions globales sur ces annonces, déjà, je parlerai quand même des réactions négatives. Alors, je ne sais pas si vous avez été sceptique ou un petit peu déçu de cette annonce de Nintendo qui allait vers le mobile. Bon, il y a eu quand même pas mal d'internautes qui ont été assez moqueurs, assez sceptiques de Nintendo, pour qui c'était un peu la fin du monde quand ils arrivaient sur le mobile. C'est vrai que dans le passé, il y a eu quand même, par exemple, Link, The Face of Evil, par Philips, qui avait donné une mauvaise... mauvaise image, on va dire, de l'exploitation de licence Nintendo par d'autres gens. En plus, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, en anticipant DNA, il n'a pas une excellente réputation. Hein. Même au Japon, on va dire que ce n'est pas franchement connu pour la finesse de son gameplay. Hein, puisque, je vous l'ai dit, c'est de l'achat vraiment de trucs aléatoires où vous en achetez plein. Et si vous avez de la chance, vous en allez avoir un meilleur que les autres, etc. etc. Y en a qui comparent ça, par exemple, à Star Wars et Disney. Disney qui a relancé et popularisé à nouveau la franchise Star Wars auprès des plus jeunes, mais peut-être en perdant l'âme de Star Wars. Il y en a qui craignent un peu ça. Et puis il y en a beaucoup qui ont rappelé que Nintendo n'arrêtait pas de s'opposer depuis des années à dire non, nous on fera jamais des jeux sur smartphone ou sur tablette. Si on faisait ça, Nintendo cesserait d'être Nintendo, avait dit Weta par exemple en 2011. Ça, c'est du côté négatif. Je sais pas si vous, déjà négativement, est-ce que vous avez eu un sentiment négatif? Moi, c'est vrai que ça m'a fait un peu mal au cœur. Et puis finalement, c'est assez marrant parce que quand l'annonce est parue, on s'est échangé des SMS. Pour le coup, moi j'étais plutôt sceptique sur l'arrivée de Nintendo sur les mobiles, tandis que toi, Greg, tu étais plutôt sceptique sur l'arrivée d'une nouvelle, enfin sur l'annonce d'une nouvelle console en disant c'est la mort de la Wii U ou de la 3DS. Et c'est vrai que moi en deux semaines j'ai un peu changé d'avis dans le sens où on a eu plus de précision. T'en parlais tout à l'heure, on sait que ça sera des jeux faits par Nintendo, on sait qu'ils vont pas faire des portages, on sait que ça sera peut-être un modèle de free to play. Par contre, sur l'annonce de la NX, je me dis qu'avec là, on a eu l'annonce du report de Zelda Wii U. Ouais. Et forcément, quand tu annonces rien et que tu dis juste qu'il y aura quelque chose qui s'appelle la NX, les gens disent peut-être que Zelda Wii U, ça veut dire que s'il est reporté, il va sortir sur la nouvelle console de Nintendo qui s'appelle la NX. S'ils n'avaient rien annoncé, personne aurait dit simplement le jeu n'est pas prêt, ils sont en retard, Aonuma il fait n'importe quoi, il faut juste le repousser. Même si tout le monde sait qu'il y aura une prochaine console de Nintendo, quand un constructeur sort une nouvelle console, il en a forcément une autre en préparation. Bien sûr. Que maintenant, avec le fait d'avoir révélé cette annonce, moi je pense que c'est une erreur stratégique d'avoir même révélé qu'il travaillait sur une machine. En fait, Iwata l'a expliqué, quand il a fait cette annonce, c'était, tu l'as dit tout à l'heure, pour montrer qu'ils n'ont pas perdu la passion dans le fait de faire des systèmes de jeux dédiés traditionnels. Sauf que finalement, il aurait pu juste dire, ne vous inquiétez pas, on continuera à faire des consoles, sans dire, on va annoncer la NX et on vous en parlera en 2016. Mais avant, on n'en parlera pas, parce que maintenant, on est dans des supputations, dans des spéculations. Maintenant, la Wii U, c'est fini, ils vont l'arrêter en 2016, il n'y a plus rien, alors qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais c'est vrai que le fait que Zelda ait été déplacé en plus à rajouter au truc. Voilà. On s'est dit, moi je me suis dit tout de suite, Zelda va sortir à la fois sur la Wii U et sur la NX, un peu comme le Zelda Twilight Princess. Qui avait conclu la fin de la Wii. De la GameCube et la GameCube, sorti sur Wii. Et du coup, j'ai un peu vu ça. Moi je le comprends à la fois cette annonce, parce que oui, il faut rassurer les gamers, etc. etc. Ça reste quand même une cible de Nintendo. Mais en même temps, je me suis dit, moi j'ai acheté une Wii U il y a pas très très longtemps finalement. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est bien. Ouais, c'est pour ça que. Alors que moi j'étais plus inquiet sur le fait qu'ils aillent sur mobile, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur écosystème pour proposer finalement du Mario gratuit ou je sais pas, à 2 euros, ce qui pourrait en fait dévaluer en fait les licences qui vendent 40 euros ou 50 euros et qui nécessitent d'acheter un hardware pour les faire tourner. Donc je me suis dit, il peut y avoir un risque de cannibalisation de ces licences-là, et à terme, instaurer dans l'esprit des gens que Mario ça peut coûter 2 euros ou 0 euros. Ouais. Moi je reste quand même un peu inquiet hein, sur le côté portable, même si je me suis un peu rassuré voilà, avec les différentes annonces. C'est vrai que les Pokémon Shuffle là, et les trucs comme ça, c'est bien hein, parce qu'ils font faire connaître leurs licences aux plus jeunes, etc. Mais ouais, c'est quand même un petit crève-cœur quelque part. Si c'est vraiment comme ça et s'il n'y a pas très peu de gameplay, tu vois, si c'est plus proche d'un truc King machin, les sagas bidules, les pets saga rescue, ouais, que d'un, je sais pas, Rayman Run machin. Jungle Run. Où là, ouais, t'as vraiment un gameplay, c'est exigeant, c'est marrant, c'est prenant, t'as payé ton jeu, tu l'as fini, il est acheté, il est à toi, t'as plus rien à racheter. Ça, à la rigueur, je suis tout à fait pour et moi, j'aime beaucoup jouer sur mobile. Mais et puis je fais tout à fait confiance à Nintendo, ça n'a aucun problème pour bien comprendre comment on peut jouer avec un smartphone. Mais par contre, j'ai plus pas trop confiance dans DNA, ouais, justement sur le côté freemium et le côté abusé du jeu. Genre, tiens, mais si vous achetiez une nouvelle robe pour votre Pokémon bidule. Donc, ouais, je sais pas, toi Stan, t'en avais pensé quoi de cette annonce-là? Ben, moi, ce qui m'a embêté, c'est plutôt les raisons de ce changement de politique de Nintendo qui semble vraiment écouter des actionnaires et vouloir rassurer la bourse, comme tu disais au début Julien, hein, que la bourse était contente. Moi c'est ça qui m'inquiète en fait, que le fait que Nintendo fasse des jeux sur console portable, je pense qu'ils arriveront à s'adapter à un hardware sans bouton, à faire des jeux adaptés comme... D'ailleurs la 3DS a toujours été tactile et on a des jeux exceptionnels là-dessus. Ils arrivent à bien mêler les deux et je pense que s'ils font des jeux sur téléphone portable, ils arriveront à faire des jeux pour téléphone portable et non pas des simples portages, ce qui serait une catastrophe, hein. De toute façon on en est bien conscience. Donc moi ça me fait pas peur le fait qu'ils sortent des jeux sur portable, c'est plutôt les raisons et le fait de tout d'un coup se dire « Ah, on est mal vu par nos actionnaires, la bourse donne des coups de bâton, je vais les brosser dans le sens du poil ». Ceci dit, c'est pas vraiment un retour de main de veste. Hein. Iwata l'a dit, ils parlent avec DNA depuis 2010. Ouais, c'est ça. Il y a quelques mois, ils avaient déjà déclaré qu'ils réfléchissaient à des applications pour promouvoir en fait leur jeu, parce que leur idée, en fait, l'idée qui est derrière, moi à laquelle je crois pas du tout, c'est qu'ils disent finalement « On va utiliser nos licences pour créer un pont » vers nos offres, on va dire, premium, nos offres consoles de salon. C'est-à-dire, si les gens, parce qu'il faut savoir que Nintendo est en train de perdre beaucoup sur le marché, notamment des 5-12 ans, qui sont passés sur mobile. Et s'ils passent sur mobile, bah, ils n'ont plus de 3DS, ils n'ont plus de portable, donc ils ne sont plus habitués à ces figures de Nintendo. Et là, il y a un risque de ne pas pouvoir les fidéliser sur le long terme. Et j'ai l'impression que là, ils essayent un peu de récupérer ce qu'ils avaient fait avec la Wii U, c'est-à-dire de dire, bah, on a les casus, on va essayer de les convertir en gamers. Or, je ne crois pas qu'il y ait des ponts comme ça sur des marchés, surtout du marché du mobile, qui est quand même un marché très compliqué, très volatile, avec c'est pas pareil que des gamers. Enfin, les gamers, voilà, ils sont attachés à une certaine tradition, à quelque chose dans le jeu vidéo. Voilà, c'est pas un marché qui repose sur rien ou sur quelque chose d'un peu plus mouvant, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que là, tu t'opposes casu et gamer. Ou là, je suis assez d'accord avec toi. Par contre, leur stratégie, c'est pas de dire on va convertir les casus en gamers. C'est plutôt de dire on va habituer les enfants. Je parlais de la Wii à la Wii U. Ah d'accord, oui, parce que j'allais dire, c'était raté. Mais par contre, se dire que tiens, les enfants ne connaissent plus peut-être Mario, en tout cas ne connaissent plus le gameplay par Mario, mais le connaissent plutôt maintenant par un Pet Rescue Saga, ça c'est vrai, et du coup leur dire, bah regardez, Mario existe aussi, et puis se créer des souvenirs assez vite d'un Mario, d'un machin, d'un truc un peu positif chez les enfants, pour que quand ils aient notre âge, ils soient aussi attachés que nous, quelque part à Nintendo, enfin en tout cas que moi je suis extrêmement, parce que je l'ai découvert assez jeune, on va dire. Ça j'y crois plus, on va dire. Par contre, dire le mec il a joué une fois Mario Runner sur son téléphone, du coup on va le faire acheter Wonderful 101 sur Wii U, non, peut-être pas. Je parle vraiment de licence, de licence à licence. Après c'est vrai que sur un modèle freemium, il y a moins de risques. Moi le risque, enfin l'inquiétude que je pouvais avoir pour Nintendo, c'est de dire tes parents, si c'est le cas d'enfants, ils t'ont acheté un Mario à 2 euros sur ton smartphone, pourquoi ils iraient payer 40 euros pour un truc qui s'appelle aussi Mario sur 3DS ou sur une console, une console de salon. Souvent il y a une ils se disent, bah écoute, ton Mario tu l'as, je te l'ai déjà acheté, tu vas pas en avoir un autre, je vais pas t'en acheter un à 10 fois plus cher ou à 20 fois plus cher. Donc je trouve qu'il y a un risque de cannibalisation. Après, ce qu'a l'air de croire Iwata, c'est que l'expérience qu'il donne à travers les jeux sur console de salon ou console portable, elle est beaucoup plus importante qualitativement que ce qu'il y a sur smartphone, ce qui est pas faux, mais je suis pas sûr que tous les utilisateurs le voient ou vraiment ça leur importe. Et en fait, c'est un piège dans lequel ils peuvent très facilement tomber. C'est un équilibre à trouver. C'est soit tu donnes une expérience très intéressante sur smartphone, et à ce moment-là, le consommateur risque de dire ça me suffit, je vois que j'irai plus loin. Soit tu donnes une expérience frustrante, et à ce moment-là, t'as pas envie d'aller plus loin. Parce que tu es frustré, que tu te dis c'est des petits jeux tout mignons comme les, ceux que tu citais, les sagas, et finalement tu n'as pas envie d'aller acheter 40 euros à un jeu Mario. Alors c'est ça, que... c'est quand même une sacrée différence de prix après. Voilà, donc c'est soit il y a un, c'est un virage difficile à négocier parce que du coup, qu'est-ce qu'ils font de leur prix un peu élevé, comme tu disais Julien, des jeux à 40 ou 60 euros. T'habitues le consommateur à des jeux sur téléphone portable à 2 euros, je ne suis pas sûr que les gens... Ouais, et pourtant, tu as beau dire aux gens, mais attendez, Mario Galaxy, ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir un Mario Runner où vous avez 4 inputs de touches. Voilà, il y a plein de gens qui s'en foutent. Ouais, voilà, tout à fait. Après, est-ce qu'ils ne vont pas faire comme Square qui sortent des Final Fantasy sur portable à 15 euros? Ouais, mais c'est des portages. C'est des Nintendo a dit qu'ils ne feraient pas de portage. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Je suis d'accord, je suis très content qu'ils fassent pas de portage. Ouais. Mais est-ce qu'ils feront pas des jeux à 15 euros Nintendo Switch? Après, peut-être qu'ils gagneront suffisamment d'argent avec le téléphone portable pour arrêter de faire des consoles. Hein. Enfin, ils disent qu'ils vont continuer, la NX, machin. Si c'est, parce que le premier jeu qui va sortir sur téléphone portable, c'est dans l'année, là. C'est avant la fin de 2015. Avant la fin de 2015. J'ai envie de dire, on saura vite. À mon avis, ça va être monstrueux. C'est-à-dire que quand Iwata va arriver sur scène d'un truc, enfin peut-être pas Iwata, je sais pas qui, peut-être que ce sera Régis Aimé, qui va dire, lors d'une keynote d'Apple, ou je ne sais quelle connerie, qui va arriver, il va dire exclusivement sur le nouvel Apple, vous avez le Mario Runner machin, ça va être monstrueux. Ils vont se faire un paquet de thunes monstrueux. Donc si c'est en plus compatible Amiibo, machin, enfin tu vois, ils ont entamé une stratégie où ils ont d'autres relais de croissance maintenant après, que leur jeu classique. Il y a aussi aujourd'hui, ils gagnent plus avec les Amiibo qu'avec un Mario. Hein. Oui, donc, je suis d'accord. Mais après, il y a aussi le fait qu'au Japon, l'avancement des jeux dématérialisés n'est pas du tout le même qu'en Europe ou en Occident. C'est-à-dire qu'au Japon, ils sont très habitués, ils sont très friands des jeux sur portable. Ah bah complètement. Et la 3DS a du mal à... Les consoles se vendent plus là-bas. À se battre. Enfin, elles se vendent bien, mais voilà, comparativement à des elles jeux... Elles ont baissé, quoi. Ouais. Voilà, comparativement non, mais de toute façon, indépendamment des actionnaires, ils étaient obligés de prendre les devants par rapport à l'érosion des ventes des consoles portables. Je veux dire, même si la 3DS est bien vendue, il y a, comme on parlait du marché des jeunes enfants, c'est un marché maintenant qui passe beaucoup par les tablettes et les smartphones. Hein. Oui, moi je suis quand même assez content quelque part qu'ils aient aussi fait cette annonce-là pour ça. Parce que tout le monde disait, ouais, mais Nintendo, il faut qu'il bouge. Ça fait 4 ans qu'on se disait ça entre nous. Là, ils ont bougé. Bon, bah maintenant, voilà, il faut qu'on en prenne les conséquences, quoi. Ouais, et pour le coup, moi, tout à l'heure, on parlait peut-être, est-ce qu'ils ont cédé à la pression des actionnaires? On sait qu'à une époque, il y avait peut-être des conflits à l'intérieur des gens qui voulaient peut-être faire dégager Iwata pour mettre le fils Yamoshi à sa place et parce que lui, il serait plus enclin à aller vers les portables. Mais je pense, pour le coup, moi, je pense Iwata de bonne foi. C'est ce qu'il disait. Il disait que ça avait pris du temps parce qu'il voulait trouver vraiment quelque chose qui ne va pas saccager l'héritage de Nintendo. Et je pense que l'héritage de Nintendo, c'est quelque chose qui est très important pour des gens qui sont des gens comme Iwata. Bon, il est là depuis quand même tellement longtemps chez Nintendo qu'on ne peut pas lui reprocher d'être un opportuniste ou quelqu'un qui veut saboter. D'ailleurs, je pense que leur héritage, c'est aussi quelque chose qui leur joue des tours. C'est-à-dire que c'est une boîte qui, comme on en avait parlé à l'époque des déclarations d'Adelman, c'est une boîte qui est quand même très traditionnelle, très assise, qui bouge très très lentement. Donc je ne pense pas que ça soit un mouvement opportuniste pour gagner de l'argent facilement. Je pense qu'ils ont pesé pour et le contre en disant bah, peut-être que nos licences, justement, il ne faut pas qu'on les saccage, il ne faut pas qu'on les dévalue. Voilà, donc je ne pense pas que ça soit un retournement de veste, comme on peut l'entendre parfois de la voix de certains un peu rapidement. Qu'ils négocient bien le virage. Moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est que ça m'a donné l'impression d'un coup d'accélérateur monstrueux d'un coup, alors qu'avant, il évoquait la possibilité, il disait on réfléchit à ça, et tout d'un coup, pan, nouvelle console, pan, nouveau concept avant la fin de l'année. Voilà, donc c'est ce qui me fait dire, oula, attention. Après, c'est vrai, comme tu le disais bien, Adelman avait dit qu'en interne, rien ne pouvait passer, il suffisait qu'une personne fasse un veto et que ça sortait pas. Si là, il n'y a pas eu de veto, c'est que j'imagine qu'ils ont réussi même à convaincre en interne au sein de Nintendo, avec une culture d'entreprise assez conservatrice, pour le moindre. Ils ont réussi à convaincre tout le monde que c'était la voie à suivre, donc j'imagine qu'ils ont des bonnes idées. Ou en tout cas qu'ils ont vu que s'ils ne faisaient pas ça, ils allaient mourir à petit feu. Ce qui n'était pas faux non plus. Ou alors c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Parce que le temps de convaincre, comme on disait avec la déclaration d'Adelman. Peut-être. Mais en tout cas, c'est, honnêtement, enfin, moi, Nintendo, je les adore. Et c'est largement, on va dire, ma console préférée de loin. Ça a toujours été mes consoles préférées d'ailleurs. Mais à chaque fois, j'avais un peu l'impression que c'était une entreprise qui mettait du temps à mourir. Il y a eu le succès de la Wii, qui a été presque un truc étonnant quelque part, mais chaque console de la Nintendo se vendait de moins en moins bien. Il y a un moment, si vous voulez continuer à être une entreprise internationale et à pas juste faire du Japon ou des choses comme ça, il fallait qu'ils revoient leur business model. Ils sont en train de le faire. Après, ça c'est moi je crois pas du tout à ce qu'on dit la descente, c'est-à-dire que les consoles de Nintendo se vendent de moins en moins. Je crois pas à cette courbe descendante, notamment on le dit pour les consoles de salon. Pour moi, on peut plus tirer des. Il y a beaucoup de succès de Nintendo qui ont vraiment des points communs, notamment sur sur l'ouverture du marché, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont réussi à imposer une console, c'est souvent quand ils ont trouvé un nouveau marché. Mmh. Ça a été le cas avec la NES, ça a été le cas avec le Game Boy, ça a été le cas avec la Wii et la DS, c'est-à-dire à un moment, ils ont le marché des familles, des seniors, ils ont eu le marché du portable avec 20 heures d'autonomie, ils ont eu le marché des jeunes enfants avec la DS. Donc à chaque fois qu'ils ont ouvert la cible traditionnelle du jeu vidéo, ils ont eu des gros succès. Donc je vois pas tellement la courbe descendante des consoles Nintendo. Je pense que parfois ils ont réussi à faire des coups parce que justement ils sont pas cantonnés à faire du jeu vidéo traditionnellement. Et quand ils ont fait du jeu traditionnellement, comme la Wii U, comme la GameCube, comme la N64, ça a eu beaucoup moins de succès. Mais là le problème c'est que typiquement ils ouvrent pas un marché avec ce partenariat sur DNA. C'est qu'ils arrivent sur un marché qui a déjà été ouvert il y a longtemps. Ouais, et voilà, les King et autres sociétés en plus sont plutôt en perte de vitesse assez importante sur ce marché. Est-ce qu'ils vont réussir à s'imposer sur ce marché et rester durablement en plus, parce que c'est un marché très mouvant? C'est pas un coup, c'est pas, je sais pas trop. Après, voilà, je pense que pour conclure aussi, ils ont quand même pas mal de solutions de repli, hein. Ils ont à la fois encore le jeu vidéo traditionnel, les Amiibo, alors ça, on sait pas combien de temps ça va durer, mais le jouet vidéo, c'est peut-être quelque chose qui peut encore générer de l'argent. Ils ont le Quality of Life. La santé, Même s'il y a quand même, on en avait parlé, il y a quand même pas mal de monde sur le marché. Donc là, on a l'impression qu'ils mettent pas non plus tous leurs œufs dans le même panier. Ils ont aussi le système de cartes qui vont peut-être relancer à la manière des Amiibo avec des cartes qu'on achèterait et qui débloqueraient des choses aussi. Ça sort cette année, normalement, Ils en parlent plus trop, mais ça peut être aussi une idée. On ne sait pas du tout ce que va être le nouveau concept de la NX s'il y a un nouveau concept. Donc voilà, ils ont aussi, il n'y a pas que le mobile, ils mettent pas tout leur. C'est pas comme certaines boîtes japonaises qui, ou américaines. Là, je pense surtout au Japon où ils commencent à fermer un peu tout ce qui est jeux vidéo traditionnel et ils basculent sur mobile. La Nintendo essaye quand même d'avoir plusieurs angles d'attaque et plusieurs visées, quoi. Ouais, et puis je pense qu'on peut se rassurer sur les jeux sur smartphone en repensant finalement à l'histoire de Nintendo avec les petits jeux, les Game & Watch, quoi. Hein, finalement, si tu transposes ça sur un smartphone, ça peut se faire. Enfin, tu vois, je veux dire, ils ont réussi à inventer le gameplay tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je pense qu'ils vont réussir à transposer. Au final, moi, j'ai pas trop peur là-dessus. Confiance ou pas confiance, alors ? Sur le portable ? Surtout. Sur leur arrivée sur portable, assez mitigé quand même pour moi. Assez mitigé à cause du modèle freemium. Moi, je pense que l'annonce d'une nouvelle console, c'était une erreur stratégique par rapport à l'âge de la Wii U et les difficultés qu'elle rencontre pour se vendre. Après, sur l'arrivée sur mobile, je pense qu'ils ont donné les bonnes réponses, c'est-à-dire des jeux qui vont développer eux-mêmes, qui ne seront pas des portages, qui seront des modèles freemium, même si moi, je doute qu'il y ait une passerelle entre l'univers du mobile et l'univers du jeu vidéo traditionnel. Donc pour moi, je suis pas forcément confiant, mais je pense que ça peut être un marché difficile pour Nintendo, même si la force de leur licence fait que tu fais un Mario sur mobile gratuit, ça peut se télécharger à des millions, et après on sait que ce modèle là quand on télécharge 3, 4, 5 millions tu vends à côté, tu vends à côté sur un peu de micro-paiement, quoi. Ouais. Bon, faire à suivre, j'ai envie de dire. Sûrement le 3 d'ailleurs, ou peut-être Nintendo Direct de demain. Demain, ils parleront normalement pas du tout de la NX, c'est clair. Le jeu mobile, la NX, je crois que c'est avec 2016 qu'ils en parleront à nouveau. Alors, même pas le 3. On ne sait pas si c'est année fiscale 2016, parce que c'était une. Je crois qu'ils ont précisé ça, il me semble. Ah, je sais plus. Je crois que Nintendo France a dit que c'était année normale. Quoi. Année normale, année calendaire. Année calendaire, merci. D'accord. Ouais. Bon. Mais donc on est tranquille jusqu'au moins 2016 pour ça. Ouais, mais je pense qu'ils vont détacher à la fois l'annonce mobile et les annonces traditionnelles de jeux vidéo dans Nintendo Direct. Demain, ça va vraiment être. Ou tout à l'heure, si vous nous écoutez mercredi, ça va vraiment être des choses sur les dates, peut-être des annonces de jeux, mais je vois pas vraiment d'annonces mobiles. Non. Bon, on va faire à suivre. Ouais. Julien, tu as la parole, je te la laisse. Tu voulais nous parler de Halo. Oui, Halo. Alors attendez, il faut que je retrouve ma news. Je te prends un peu de cours. Oui, je vais retrouver. Halo Russe. Oui, Halo Russe, j'ai appelé ça. Une information assez étonnante, puisqu'en fait, on a appris que Saber Interactive, qui est un studio américain qui était responsable de Halo Master Chief Collection, donc qui était le remake sorti l'année dernière sur Xbox One, et qui regroupait les quatre aventures du Master Chief, allait sortir un Halo Online uniquement pour le PC et uniquement pour le marché russe. Le marché russe, c'est un marché qui est très friand des free-to-play et des FPS. Donc pour le coup, ça sera un jeu free-to-play qui sera basé sur le moteur légèrement modifié ou modifié de Halo 3 et qui sera optimisé pour des machines assez modestes, puisque on peut penser qu'en Russie, ils n'ont pas non plus tous des machines, des foudres de guerre. Bon, c'est un bon vieux cliché. Un bon vieux cliché, c'est ce que je cherchais le mot. C'est un bon vieux cliché. Comme on les aime. Bon, les Russes, ils ont un peu des machines de l'ancien temps. Non, mais voilà, ça va être c'était assez étonnant, quoi. On n'avait pas trop venu venir cette annonce d'un Halo dédié à un seul marché. Ouais, et par contre, pour finir sur Halo, on a appris la date de sortie de Halo 5 qui sera, de mémoire bonne, le 27 octobre. Enfin. Donc, Ouais, donc parmi tous les jeux reportés, Zelda, Uncharted, au moins un qui devrait peut-être sortir en 2015. The Witcher quand même, il y aura aussi. Oui, mais là, on parle pour la, je parle de la quand fin même. De l'année. Attends, on parle d'exclusivité aussi. Ouais, je parle surtout des gros jeux de fin d'année où on a déjà perdu Zelda, et Uncharted. Ouais. Une petite annonce, moi, qui m'a fait sourire parce que je suis pressé que ça arrive, c'est le PlayStation Now. Le PlayStation Now, pour rapidement, c'est le jeu en streaming, c'est-à-dire vous payez une somme qui est de $20 aux États-Unis et ça vous permet de jouer en quantité illimitée à des jeux dématérialisés. Est-ce que ça arrive en France ? Ça arrive au Royaume-Uni. Ils testent déjà en Angleterre. Il faut savoir que, en fait, pour ce prix-là, vous avez quand même des jeux comme Uncharted 2, Last of Us, God of War 3, Rayman Legends, Far Cry, Blood Dragon, voilà, et plein d'autres comme ça. Des très bons jeux. Il y a une centaine de jeux, en fait, disponibles pour $20 par mois. Et ils vont tester le service aux États-Unis. Le déploiement a commencé, en fait. Enfin, un argument pour acheter la PS4. Oui, c'est vrai. Ou une télé Sony. Ouais, une télé Sony. Exact. Ça, tu peux l'avoir sur d'autres... Oui. Télé Samsung aussi, je crois. Il y a des partenariats exacts. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Et Julien, tu voulais nous parler de Bloodborne. Oui, Bloodborne, c'est un peu la grosse sortie du mois. Il y a beaucoup de débats. La sortie en exclusivité sur PS4. Voilà, il y a eu plein de débats. Est-ce que c'est trop dur ? Est-ce que c'est un jeu pour les gens ? Est-ce que les gens qui jouent à Bloodborne, ils vont se retrouver dans des donjons SM tellement c'est difficile et tellement ils aiment souffrir. Donc le jeu a reçu vraiment un très bon accueil, un accueil critique. Mais un des points négatifs, pour le coup, qui a fait l'unanimité contre lui, c'était les temps de charge. Après une mort, ce qui pour le coup arrive très souvent dans Bloodborne et dans un jeu From Software, ou alors une téléportation d'un niveau à un autre. Et en fait, actuellement, il faut compter entre 30 et 50 secondes quand on meurt. C'est pas vraiment de Die and Retry, ça. Ouais, c'est du Die et t'en as marre, quoi. Die and Retry. Eh bien, en fait, Sony a confirmé que les développeurs de From Software travaillaient sur une mise à jour pour optimiser les temps de chargement et corriger certains bugs en plus, mais surtout pour les temps de chargement. Ouais, qu'en changeant de disque dur et en mettant un SSD, on gagne 25% de temps. Ouais. Mais bon. Faut changer de disque dur, quand même. Faut avoir envie de mettre la main dans le capot. Ouais, ou alors, faut pas mourir et être très bon. Ouais. Si t'attends 50 secondes, est-ce qu'il y a des modes faciles? J'ai regardé un mec tout à l'heure qui l'a fini là sur Gameblog en moins de 45 minutes. Ah oui, oui. Putain, j'ai regardé la vidéo. Il doit être facile comme jeu alors. Ouais, ça avait l'air facile. Ça, franchement, je me suis dit, attends, je l'achète. Moi qui meurs à Mario. Petite question, est-ce qu'on a une musique pour les conseils critiques? On a une musique bien ringarde que t'as choisi. Ah, une bonne musique. Et on va lancer tout de suite le jingle pour les conseils et critiques. Conseil critique, cette fois-ci, ça va être un conseil de jeux vidéo. Julien. Oui, alors vous voulez qu'on parle de quoi ? De Mario Party 10, on fait un retour rapide ou on parle de... Julien évoque le fait qu'on s'est croisé la semaine dernière, par hasard, en passant le vin chez Julien, pour jouer à Mario Party 10. On peut parler de ça quand même. Un petit retour rapide sur un jeu qui nécessite, on va dire, certaines conditions bien précises pour être apprécié, ou pas d'ailleurs, à sa juste valeur. Donc Mario Party 10 qui est sorti sur Wii U, c'était le 20 mars, et sur lequel, tu as défloré ce qu'on avait fait le jeudi soir. On a passé une soirée tous les trois pour tester quelques modes de Mario Party. Donc rapidement, pour rappeler ce que c'est Mario Party, c'est un party game. C'est le party game de Nintendo qui réunit tous les personnages, enfin la plupart des personnages emblématiques de Nintendo et qui se joue maintenant jusqu'à 5 joueurs. Pour le coup, ça tient à la fois du jeu de loi, du jeu de plateau et du jeu vidéo. Avec, pour cet épisode, on a 70 mini-jeux qui sont très courts. Souvent, c'est quoi, une minute à peu près. Moi, c'est même frustrant d'ailleurs. Ouais. Donc c'est pratiquement, je crois, le quatrième party game sur la Wii U, puisqu'on a eu Nintendo Land qui était sorti au lancement, Wii Party U, il l'a appelé comme ça, et Game & Wario pour le coup qui était axé plutôt solo. Mario Party 10, c'est à la fois les amiibo, le gameplay classique, un bouton, la Wiimote, le gamepad, donc voilà, c'est un peu toutes les façons de jouer chères à Nintendo sur cette génération. On a testé les trois modes de jeu. Donc si on commence par le premier mode, c'est Amiibo. Par Amiibo. On va commencer de droite à gauche l'écran. Le mode Mario Party, on va dire que c'est le mode plutôt traditionnel, le classique, un peu, jusqu'à 4 sur un même plateau. Donc là, pour le coup, ça dure une trentaine de minutes. Ouais. Il y a 5 plateaux. On est tous dans le même véhicule et on est sur une map avec des cases. Donc ça m'a surpris. Moi, je croyais qu'on allait être les uns contre les autres à se courir les uns derrière les autres. Ça, c'est le cas depuis, Mario Party 8. Ouais, moi, j'avais pas joué depuis pas mal de temps. Mais là, c'est pas mal de faire ça. Et quoi, on jette un dé imaginaire et on arrive sur des mini défis où on doit soit se battre un contre trois ou deux contre deux. On est à la fois dans de la coop et à la fois de l'affrontement. Moi, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Je crois que c'est mon jeu, mais parmi les trois jeux, celui que j'aime le moins. Ouais. Oui. parce que je trouve qu'il n'y avait pas assez de mini-jeux. Le fait qu'on soit tous dans le même véhicule, c'est frustrant parce que tu regardes les autres jouer et du coup, tu subis un peu l'avancement de la chose. Il y a des tours où tu tombes pas sur des mini-jeux, effectivement. Voilà, et puis en plus, on a joué que assez rapidement, puis moi je découvrais le jeu en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je lançais le dé, en fait, je me rends compte qu'il fallait pas que je joue comme ça. Enfin, ouais. La stratégie, j'ai pas eu le temps de découvrir une stratégie, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que toi, Stan, tu voulais vraiment les mini-jeux. Ouais. J'ai vu une espèce d'attente autour du mini-jeu. Il n'y a pas de mini-jeu. Mais oui, mais en fait, si on est tous ensemble devant une console, pourquoi on joue pas les uns contre les autres? Qui avait gagné déjà? C'était moi, non? Mais non, c'était moi. Non, sur le Mario Party classique. Puisque le but à la fin, c'est d'avoir le maximum de pièces pour attraper l'inaccessible étoile qui se trouve en fin de parcours. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même peu de parcours. T'as le bateau pirate, les trucs comme ça. Nous, on avait fait le premier, je crois. Après, moi, j'en avais fait un autre, c'était sous l'eau. Mais alors, avec la murène, là, c'était toujours la même chose. Je trouve les parcours quand même assez monotones. Il ne se passe pas énormément de choses dessus. Alors, c'est vrai que quand tu commences, tu ne sais pas vraiment à quoi correspondent les cases. Voilà, je trouve que c'était quand même un petit peu rapide. Minutes. Maintenant, ça reste quand même très fun parce que les mini-jeux sont hyper accessibles. Quand tu tombes sur un mini-jeu, c'est vraiment le top, par contre. Oui, bah voilà, c'est pour ça que moi je réclamais toujours les mini-jeux. Mais c'est pour ça que l'autre partie du jeu. Alors, avec Boozer contre Boozer. Alors, ouais, il y a la partie. On a quand même été très mauvais. Non, c'était pas celui-là, l'autre où on pouvait choisir tous les jeux. Là. Ah, ça, c'est le dernier mode. Ah, c'était le dernier mode, ça, d'accord. Entre les deux, il y a le nouveau mode qui est exclusif à cette version, c'est le mode Bowser. Qui était un peu mieux, moi, je trouve. Ah bon? T'as bien aimé? Mieux que le premier que t'as évoqué. Ah d'accord. Oui. On s'est fait torcher. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on s'est fait torcher. Non, parce que c'est trop dépendant des dés là. J'ai trouvé que Bowser avait trop de force. Pour expliquer rapidement, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui va incarner Bowser, donc il va jouer avec le gamepad et qui va voir sur son gamepad, c'est le principe du gameplay asymétrique, quelque chose de différent de ce que voient les joueurs sur l'écran. Donc là, par exemple, ça va être quel jeu on a fait. Moi, je jouais Bowser, donc j'avais. Tu devais nous taper dessus avec des marteaux. Je devais vous taper dessus et vous deviez vous placer à des endroits pour pas être frappé. Donc moi, je voyais quelque chose que vous ne voyez pas à l'écran. Le problème, c'est qu'il n'y a quand même que 10 mini-jeux. Moi, j'ai trouvé ça complètement cheaté. Enfin, j'ai eu l'impression que c'était hyper facile de gagner avec Bowser. On a fait qu'une partie. Oui, le problème, déjà, tu nous rattrapais vite en temps d'arrêter. Ouais, vous n'avez pas eu trop de chance parce qu'à un moment, vous étiez sur une case, deux cases en retrait. Vous avez fait trois fois plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on avançait pas reculer de deux. Pour reculer de deux, j'ai l'impression que dans les mini-jeux, Bowser, il a un avantage. Alors que toi, tu avais 4 dés, tu nous as rattrapé en un coup. Et du coup, c'était terminé. Parce que dès qu'on tombait sur un mini-jeu, on perdait plein de dés. Mais tout à l'heure, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais j'avais 4 dés, mais vous étiez. Normalement, vous êtes censé être 4. Donc vous avez le même nombre de dés que moi, en fait. Oui, mais il suffit qu'on ait pas énormément de chance. Ouais, parce que vous avez fait des deux, vous êtes à chaque fois revenu. Et puis surtout, dès que tu nous rattrapes et qu'on tombe sur un mini-jeu, on sait qu'on perd plein de vie. Ça, c'était sûr et certain. Et là, on en perdait effectivement pas. Surtout que là, on a fait le jeu une seule fois et on a essayé comme ça, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on avait été vraiment nuls et que j'ai pas vu qu'il y a des parties qui se déroulent mieux. On était à 75 de l'arrivée. Ouais, c'est ça. Voilà, vous étiez à 75 de l'arrivée. Ça va. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait 10 cases et après, on a vu tout le plateau se dévoiler. Ouais. Ça a duré des cases et des cases. Quoi. Mais moi, j'ai trouvé que les mini-jeux, alors, ils étaient un peu plus complexes à expliquer, alors que la force, je trouve, des mini-jeux du mode classique, c'est que finalement, tout le monde les comprend. Ouais. Ils sont sur un bouton ou du gyroscope, et donc on est là en deux phrases, ça a résumé le mini-jeu et on le comprend tout de suite en y jouant. Alors que là, j'avais l'impression Il y avait des consignes pour Bowser, des consignes pour les autres. Bowser, forcément, mais j'ai l'impression que c'était moins clair. Moi, ça m'a pas convaincu ce mode-là. Ah ouais, moi j'ai préféré le premier, les autres. Mais bon, c'est le dernier, moi, qui m'a le plus éclaté. Bah, et oui, étonnamment, alors que tout le monde dit que. Moi, j'écoutais des chroniques, je crois que c'était chez Passe le Stick qui disait qu'il était tout pourri ce mode. Le mode Amiibo, donc. Alors voilà, le mode Amiibo, moi je trouve qu'enfin on a trouvé une utilité aux Amiibo. C'était un peu là. Mais alors peut-être. Oui, j'ai une utilité esthétique. Je dirais qu'il y avait une utilité un peu trop grande aux Amiibo. Parce qu'on devait sans arrêt avec nos Amiibo sur le gamepad pour lancer le dé, pour sauter, pour tout ce que tu veux. Pour préciser comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il vous faut au moins un Amiibo pour ouvrir le jeu. C'est-à-dire qu'on pose l'Amiibo sur le gamepad et le mode Amiibo se déclenche. Après, on choisit un plateau selon l'Amiibo qu'on a mis. Donc si on a Donkey Kong, on aura un plateau Donkey Kong. Et après, on pourra changer les quarts de plateau. Exactement. En fait, c'est par quart de plateau, soit avec un Amiibo, soit avec des jetons qu'on va pouvoir récupérer. Donc, on pourra par exemple avoir un quart Peach, un quart Toad, un quart Mario, un quart Luigi. Et souvent, il y aura des éléments différents, parce que c'est un plateau qui est carré. Enfin, les cases de jeu forment un carré. Et après, chacun se déplace de gauche à droite sur ces plateaux-là. Et par contre, j'ai vu une chose qui était intéressante, c'est qu'après, on n'est pas obligé d'avoir des Amiibo pour jouer. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut prendre un personnage, il apparaît sous la forme d'une sorte de personnage un peu en carton. D'accord. Et après, on n'a pas besoin de remettre son Amiibo dessus. Ah, bah c'est ça qu'on arrive. Ouais. Donc tu peux en fait le faire à la manette. On n'a pas été doué, quoi. Ouais. Mais simplement, tu peux le faire à la manette si tu n'utilises pas un Amiibo. Alors, moi, je trouve ça quand même beaucoup plus sympa de voir ton Amiibo matérialisé. En fait, il y avait un côté très jeu de loi, quoi, hein, sur ce mode-là qui était assez sympa. Et moi, je le trouvais assez marrant. Oui, et puis le fait que ça soit un. la partie a duré plus longtemps, il y avait une heure, plus de, c'était plus équilibré au quand il y a eu un peu plus de stratégie voilà, aussi, voilà, parce que tu dois compter tes stratégiques, tu dois compter tes dés, tu dois savoir si tiens, est-ce que je fais assez de, est-ce que je peux m'acheter les étoiles, parce qu'il y a un système voilà, de pièces ouais, où tu peux t'acheter tes étoiles, donc tu dois savoir si tu veux pas trop vite, il faut pas non plus aller trop vite parce que sinon tu passes devant l'étoile sans pouvoir te l'acheter. Bien sûr le hasard fait beaucoup les choses encore une fois, mais par exemple moi je trouve ce qui est intéressant c'est que t'es pas dans un véhicule, donc chacun est sur ses cases et donc là il y a côté stratégique beaucoup plus développé parce que t'as par exemple le système des jetons, à un moment t'as des jetons pour faire genre 5 fois plus sur tes dés, donc tu te dis est-ce que je l'utilise maintenant, est-ce que j'attends, est-ce que j'ai assez d'argent pour acheter mon étoile, est-ce que si j'ai pas assez d'argent mais que je passe par un endroit où il y a finalement des choses pour récupérer des étoiles, bah ça peut peut-être être intéressant, si l'autre voit ça il peut se dire tiens je vais essayer de changer ce plateau là avec mon jeton, voilà, je pense que je trouve qu'il y a une stratégie qui se met en place qui est beaucoup plus intéressante que dans le Mario Party classique où là c'est vraiment juste du hasard et un peu de skill sur les mini-jeux quoi. Ouais. Mais beaucoup moins effectivement, beaucoup plus lié à une sorte de stratégie de jeu quoi. Au final est-ce qu'on le conseille ce jeu? Bah d'ailleurs alors moi je le conseille aux gens qui ont soit une famille, soit des amis qui viennent souvent, parce qu'en solo, moi j'ai joué en solo. Si vous n'avez pas d'amis, c'est pas la peine. Quoi. Même j'ai rejoué aujourd'hui un peu en solo pour préparer le podcast, je me suis fait chier. Ouais, c'est enfin, ce que j'allais dire. J'allais dire, je le conseille, mais uniquement à 4 dans une soirée où on est bien, on connaît bien les gens, on peut se taquiner. En fait, c'est un bon Trivial Pursuit. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est un bon jeu équivalent de Trivial Pursuit. Et ce qui fonctionne vraiment bien, c'est que les jeux sont hyper accessibles. Quand tu joues une fois de temps en temps, comme tu en as 70, t'as pas de redites. Non. Nous, je crois qu'on n'a même pas fait un seul jeu. On a fait quoi, peut-être une quinzaine de mini-jeux. Il y a jamais eu un jeu qui est revenu. Ouais, si, non, parce qu'on a mal choisi, mais à un moment on a fait le jeu du ballon deux fois. Oui, mais sinon, je gagnais, c'est moi qui l'ai choisi. Ouais, voilà, tu peux choisir parfois certains mini-jeux. Et il y a même une petite épreuve qui est sympa où tu peux affronter jusqu'à 8 joueurs qui s'affrontent les uns contre les autres et qui, sous un système de 8e de finale, de quart de finale, de demi-finale, sur des mini-jeux uniquement. Voilà, ça j'ai trouvé que c'était quand même assez sympa. Et il y a aussi le petit Babington qui était pas mal. Hein. Ah oui, c'est oui, on s'est bien amusé. Qui ressemble un peu au Kung Fu de Rayman Legend. Sauf que pour j'ai réussi pour le coup. Ouais, pour le coup, il y a un gameplay un peu plus évolué avec faut que tu aies un bon timing, tu peux smasher. C'est un Mario Tennis. Ouais. Et un super tennis. C'est assez plaisant à jouer ça pour le coup. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on a perdu, Greg. Moi j'ai gagné, ça va, tranquille. C'est parce que t'as triché, c'est tout. Non, c'est parce que j'ai bien servi. C'est parce que t'étais avec ma femme. Ouais, c'est ça. Tu parles, c'est moi qui faisais tout. Donc voilà, on conseille pour les gens uniquement qui... Uniquement à plusieurs. Oui, mais à voilà. plusieurs. Voilà. Oui, ouais, en solo, là, j'étais pas. Et avec des gens quand même qu'on connaît bien pour se taquiner sur les mini-jeux. Ouais, c'est ça qui est sympa quand on se taquine. Si on joue avec des inconnus, je suis pas sûr qu'on rigole autant, en fait, tu vois. Ouais. Enfin, bon, bref. Ça peut, mais c'est pas un achat indispensable. Moi, je garde un très bon souvenir de cette soirée. Ouais. Mais voilà. Mais j'achèterai pas le jeu. Non plus. Non, on en refera quoi. Ouais. Exactement. Exactement. Julien, je crois que tu as joué à un autre jeu auquel j'ai envie de jouer. Auquel tu y vas. Et je vais vous parler de Hotline Miami 2 Wrong Number, sur lequel j'ai passé pas mal de temps ces dernières semaines. Pour le coup, j'avais placé Hotline Miami 2 dans la liste de mes jeux les plus attendus de 2015. Et j'avais bien fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que le jeu est excellent. Et si, comme moi ou comme Stan, vous aviez aimé Hotline Miami, premier du nom, il y a peu de chances que vous n'aimiez pas cette suite qui est toujours signée Denaton Game, donc un studio suédois, et qui est édité par les excellents Devolver, hein, dont on entend pas mal parler. Je vous conseille d'ailleurs de lire le papier de Game Cult sur Devolver, donc un studio indépendant qui édite beaucoup d'autres jeux indépendants et qui fait vraiment du bon boulot. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le premier opus de Hotline Miami qui est sorti en 2012 sur PC et en 2013 sur console PlayStation, c'est quoi ? En fait, dans l'esprit, on va dire que c'est la rencontre entre Drive de Ray Fun, du cinéma de Hong Kong et des duels de l'Ouest, où le premier qui tire est souvent celui qui a raison, puisque c'est celui qui reste debout. Il y a un côté assez immédiat dans le jeu. Dans la forme, c'est du gros pixel qui tâche, avec vue de dessus, on va dire pas très joli, enfin, c'est un style particulier, après on appréciera ou pas, on est vu de dessus, donc un peu façon maison sur plan. Ça fait un peu comme ça, on voit les pièces du dessus, où le but en fait c'est juste de vider chaque lieu en tuant tous les ennemis qui s'y trouvent, avec tout ce qui nous tombe sous les mains, des armes blanches, des armes à feu, des armes de jet. Donc on est dans du jeu vidéo, on va dire, d'élimination presque primaire. Pour le coup, c'est du die and retry assez violent dans sa difficulté, mais vraiment immédiat, sans pause. C'est-à-dire qu'on meurt, on relance immédiatement. Pour le coup, il n'y a pas 40 secondes de temps d'attente. Et on recommence au début du niveau ou au début d'un étage, quand il y a des niveaux à plusieurs étages, puisque c'est dans le premier notamment, c'était souvent des maisons, enfin des appartements. Et on recommence souvent 10 fois, 20 fois, 100 fois, jusqu'à faire un run parfait, puisque dès qu'on est touché, on meurt. Il n'y a pas du tout de système de barre de vie, c'est un coup. Il n'y a pas de checkpoint. Alors, il y a des checkpoints entre les étages. Juste aux étages. Oh, ouais. Ouais, d'accord. Juste aux étages. Et souvent, on verra pour le 2, ça, c'est parfois assez coton. L'une des particularités du titre, c'était l'utilisation de masques qui étaient portés par les personnages dans le jeu, des masques d'animaux qui, en fait, octroyaient des capacités spéciales ou des limitations. Par exemple, on pouvait avoir un masque où le personnage ne pouvait pas utiliser d'armes, mais par exemple, il était très fort avec ses poings. Il pouvait tuer en un coup. Dans le 1, on avait souvent le choix d'utiliser ses masques. Dans le 2, ça va être plus ou moins imposé selon un système, à mon avis, qui fonctionne un peu mieux que dans le 1. Parce que par exemple, moi, dans le 1, j'utilisais toujours le même masque. Une fois que je trouvais une technique, je me disais, tiens, je vais utiliser ce masque-là. Oui. Après, ça permet de varier les plaisirs ou de scorer différemment. Donc, pour introduire justement Hotline Miami 2, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas trop. C'est-à-dire, je vais citer la conclusion de ma propre critique du premier épisode de Hotline Miami. Voilà, bon, c'est le soir, on peut un peu se lâcher, un peu se faire de l'autopromo. En fait, j'avais fait une petite critique sur l'excellent site Sens Critique et j'avais mis sous ces dehors de série B 80s, confuse et manipulatrice, juste ce qu'il faut. Et on verra que le côté manipulateur est encore très présent dans l'intrigue du deuxième opus. Avec ses personnages dégueulés façon Crumb, Hotline Miami renvoie le joueur à sa fonction première, tuer ou être tué. Pour rien, pour la beauté du geste, pour la violence gratuite, il n'y a pas de sang, juste des pixels. Alors pourquoi je m'autocite, hein, c'est pas pour qu'on vienne lire ma chronique sur Sens Critique, c'est simplement que je trouve que Hotline Miami 2, c'est exactement le prolongement de cette façon de faire du jeu vidéo, de raconter une histoire en faisant des choses très éclatées, très, très, très morcelées, et par là même de parler aux joueurs, c'est-à-dire, là pour le coup avec le 2, en poussant tous les curseurs au maximum, on reprend le premier et on voit plus grand. Il y a vraiment un côté suite plus, un peu comme un blockbuster dont on aurait fait un peu un premier essai fauché, et après on mettrait vraiment les moyens sur la table, tout en gardant le même concept, mais en essayant de l'étendre au maximum. Alors déjà sur l'intrigue, je vais rien spoiler, déjà parce que c'est très compliqué et que j'ai pas tout compris, mais pour le coup ça va encore plus loin dans la confusion, dans la multiplication des personnages et des points de vue, et dans la manière de découper une histoire et de recracher des bouts au hasard apparemment, parce que c'est quand même très très construit quand on remet tout dans l'ordre. On mettra peut-être sur le site d'Upcast, il y a une vidéo qui tourne où quelqu'un raconte en fait l'histoire en replaçant chaque bout selon la bonne chronologie entre le premier et le deuxième épisode, et c'est hyper intéressant. Et c'est un peu, on retrouve un peu cette logique qu'avait Tarantino dans Pulp Fiction, où on voyait des choses qui se passaient avant, après, on savait plus trop à quelle époque, et on pouvait reconstituer le puzzle qu'une fois qu'on avait vu l'ensemble. Donc là, on passe d'un personnage à l'autre, d'une époque à l'autre, en 91, on est à Miami, après on est dans les années, je crois, 70. Donc l'intrigue de Wrong Number prolonge vraiment celle du 1, qu'elle rejoint parfois et ouvre encore de nouveaux chemins. Et pour le coup, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne conclusion aux deux épisodes en même temps, puisque apparemment, il n'y aura pas de troisième épisode. Question jeu, là, pour le coup, on est vraiment dans une suite. On part de la même base, du même gameplay, mais on affine la formule et surtout, on l'étend. Donc, c'est toujours le même principe, mais les niveaux sont 2, 3, voire presque parfois 4 fois plus grands que ceux du premier, avec des environnements beaucoup plus nombreux. On n'est pas toujours cantonné à des intérieurs, on a même pour certains passages une ambiance et une représentation un peu à la Ikari Warrior. Il y a des passages qui m'ont fait penser à ce vieux jeu, je crois que c'est Item qui faisait ce jeu-là, où on est dans la jungle. Voilà, on retrouve le principe des masques, mais le jeu pour le coup nous oblige vraiment à utiliser le masque d'un personnage ou un personnage. Par exemple, il y a des niveaux où on va jouer plusieurs personnages les uns à la suite des autres. C'est-à-dire qu'il y a un même niveau où tu vas jouer 4 personnages, notamment un personnage qui a 2 mitraillettes, un personnage qui est 2 personnages, enfin on va jouer 2 personnages, c'est-à-dire mais on les contrôle en même temps en fait. C'est-à-dire t'en as un qui a une tronçonneuse et l'autre qui a une arme à feu. D'accord. Mais pour le coup, ils se contrôlent. T'as l'impression de contrôler un seul personnage, mais ils peuvent agir à deux. C'est assez marrant d'ailleurs. C'est pas déstabilisant. C'est comme Brothers. Je comprends pas comment tu fais. Non, parce que tu passes de l'un à l'autre. Il y en a un qui peut tirer et un qui fait du corps à corps avec la tronçonneuse. Mais c'est hyper dur. Moi, je joue qu'avec celui avec la tronçonneuse. Parce que c'est super dur de viser et en même temps d'utiliser sa tronçonneuse parce que ton personnage il se déplace jamais de la même façon en fait. Enfin, c'est très bizarre à cliquer. Oui, voir visuellement. Ah ouais, mais moi, j'ai presque pas réussi à y jouer de cette façon. Donc, j'utilisais que la tronçonneuse et le mec qui était à côté, il tirait des fois, mais juste pour faire du bruit. Quoi. Et attirer les mecs que je tronçonnais. Ouais, c'est un peu ma stratégie. Donc, pour le coup, ça fait vraiment plaisir d'avoir des terrains de jeu plus grands, des situations et des personnages plus nombreux. Même si parfois, pour le coup, c'est vrai que, et c'est ce qu'on pourrait reprocher, on perd un peu de l'essence du premier, du côté rapide et immédiat qu'il y avait. Là, les niveaux sont assez longs. Donc, en fait, t'es obligé de ruser, d'être plus prudent, de jouer moins à l'instinct et d'attirer les ennemis. Par exemple, en faisant du bruit, tu vas tirer une fois ou te montrer pour pouvoir finir les ennemis. Parce qu'en fait, les niveaux sont tellement longs, enfin par rapport au premier, que comme si tu prends une balle, bah, tu meurs directement, donc tu recommences ton niveau au checkpoint ou au début. Donc tu vas prendre peut-être moins de risques dans le premier où tu essayais vraiment d'être un peu plus instinctif et un peu plus créatif. Donc ça va instaurer d'autres techniques et ça va peut-être un peu changer le jeu. Voilà, on est toujours dans un jeu manipulateur. On devient vraiment une machine à tuer. Alors il y a un côté toujours assez cool dans la violence, assez comme dans le premier, c'est une violence assez glaciale qui avait fait un peu de débat à l'époque. Des gens disaient que c'était un peu une apologie de la violence. Là, je trouve qu'ils ont réussi à se détacher un peu de ça, d'avoir un côté un peu plus presque mélancolique, presque une espèce de solitude des personnages, puisqu'on a beaucoup de personnages différents qui sont pour le coup un peu mieux caractérisés, qui sont un peu plus détaillés et l'intrigue est un peu plus complexe. Donc ça fait une espèce de retrait de la violence un peu gratuite qu'il y avait dans le premier. Alors pour le coup, on est toujours placé dans un état hypnotique de transviolence, de transviolente. Mais pour le coup, voilà ce que je disais, on a un côté où on arrive à débrancher de cette violence pour amener un côté un peu plus retenu et un peu plus, on va dire, réfléchi sur l'idée même de la violence. Et je trouve que ce que je disais tout à l'heure sur le scénario, il boucle vraiment bien la boucle au niveau de l'intrigue. Et pour le coup, je pense pas qu'il y aura un 3 et ça se termine plutôt bien comme ça. Voilà, pour finir, une des forces du premier, c'était, et même de l'intérêt et de l'impact que le jeu avait sur le joueur, c'était l'OST. La BO était vraiment formidable, une BO électro-hypnotique mémorable. Et ben là, on fait dans le même niveau, avec encore plus de morceaux, puisque pour le coup, il y a encore plus de niveaux. Ils ont rappelé pas mal de compositeurs du premier. On retrouve Moon, Perturbator, Megadrive, Carporter Brut, qui fait, là, je crois, c'est son apparition. Et toujours ce son assez 80s qui rappelle un peu Suicide, un peu le label Italian Do It Better, où il y a Chromatix et Glass Candy. Ou même des fois les musiques de John Carpenter, donc c'est vraiment du tout bon. Même si vous aimez pas le jeu, vous pouvez écouter la musique. D'ailleurs, je crois qu'il y a plein de gens qui vont acheter la BO sans forcément être des fans du jeu. Donc voilà, pour conclure, c'est toujours aussi bon, que ce soit sur PC, sur console ou sur Vita. Moi, je l'ai fait sur Vita. Je trouve ça toujours sympa d'avoir un petit Hotline Miami dans sa poche et dans sa main. Alors, c'est peut-être moins surprenant que le premier, mais je trouve que Denaton, pour moi, fait vraiment les bons choix en poussant tous les curseurs à fond pour clore son diptyque sur la violence. Voilà, c'est peut-être un jeu moins surprenant que le premier, mais quand tu fais une suite, bah voilà, tu vas pas non plus complètement repenser la formule, tu vas juste l'affiner, essayer de voir peut-être un peu plus grand. Et d'ailleurs, question durée de vie, moi j'en ai eu pour une bonne quinzaine d'heures, il y a 25 chapitres. Donc c'est un peu plus costaud que le premier. Mais le premier était déjà bien. Ouais, mais comme là les niveaux sont très très longs, il y a parfois des niveaux où tu passes beaucoup de temps. Oui. Tu t'arraches d'ailleurs un peu les cheveux. Il y a un mode hard à débloquer au cas où tu aurais trouvé que c'était pas assez, assez difficile. Et tu as toujours la possibilité de scorer puisque tu es noté à la fin. Il y a un système de combo qui paraît un peu moins cryptique que dans le premier puisque là ça s'affiche en haut de l'écran. Et donc tu sais beaucoup mieux où t'en es, tes combos et comment faut faire pour obtenir des S. Voilà, ça coûte une quinzaine d'euros et pour le coup, je vous conseille donc d'y jouer et surtout d'écouter l'OST. D'ailleurs, on s'écoutera, je pense, en fin de podcast un morceau de l'OST. Pour le coup, j'avais hésité avec un morceau de Carpenter Brut, mais je pense que vu l'heure qu'il est, on mettra peut-être un morceau un peu plus calme, un morceau de Moon qui s'appelle Dust. Voilà, on écoutera ça tout à l'heure. Super. Bah, ça donne envie, Greg. Je crois pas que t'aies joué, toi, Hotline. Non, c'est le genre de jeu qui est un peu trop difficile pour moi. J'aimerais vraiment bien y jouer, mais je que tu essayes le premier, je pense que tu. Mais je suis pas non plus un gros hard gamer comme Julien. Plus que moi, quand même. Mais les premiers, c'est les niveaux sont... Cela dit, ça donne envie. Et les niveaux sont très courts et dis-toi que c'est un jeu rythmique. Graphiquement, je trouve que c'est intéressant. Essayons-moi le 1 qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus incisif, alors que le 2 prend plus son temps. C'est plus pour ceux qui vont vraiment aimer le premier. Ouais, non, mais ça donne envie et j'ai envie d'essayer au moins. Le premier doit être vraiment en rabais. Rien que pour la musique, de toute façon. Oui, rien que pour la musique. Ouais. Bon, super, merci Julien pour ce conseil. On va évoquer les sorties ciné des deux prochaines semaines à venir. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas bousculade au... C'est pas la folie au portillon. Voilà. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça bouscule pas au portillon, comme on dit. Voilà, bah, déjà, on va vous parler des sorties de demain. Oui, c'est demain, ça. C'est demain, ça. Ah oui, dis donc. Donc, quand vous les écouterez, ce sera déjà sorti. Donc, vous pourrez vous précipiter au cinéma, en fait. Ouais. Pour aller voir Shaun le mouton. Ouais. Enfin, moi, j'ai mis ça. Je ne sais pas ce que moi aussi. Vous en avez. Alors, Julien, t'as mis autre chose. En fait, ton choix me paraît plus... J'avais pas vu qu'il y ait ce film-là, en fait. Ah, j'ai pas fait. Je sais pas, Shaun le mouton, c'est peut-être bien, mais comme vous l'avez dit. Shaun le mouton, c'est Gromit, en gros. Voilà, c'est l'équipe derrière, c'est Gromit, qui fait un film sur comique, on va dire en familial et comique, sur un mouton qui va aller retrouver, je crois, dans la ville, son propriétaire qui a dû s'égarer ou quelque chose comme ça. Bon, bref, ça a l'air d'être plein de blagues, plein d'humour un peu décalé à la Wallace et Gromit, pour lequel j'ai pas mal d'affection. Donc pareil. Moi, ça m'a donné envie. C'est ça, pareil. Julien, je crois que tu évoques un autre film. Oui, c'est Journal d'une femme de chambre de Benoît Jacquot. Ah oui, si, oui. Donc l'adaptation d'Octave Mirbeau par Jacquot, qui a déjà signé pas mal de films en costume. On se souvient Les adieux à la reine. Mmh. Et également aussi, c'est l'adaptation de romans, c'était je crois que le Adolphe de Benjamin Constant. Bah voilà, comme on dit en France, ça a l'air de belle facture, du bel ouvrage, je trouve. Il y a un bon casting avec Léa Seydoux en tête. Ouais. Et c'est assez marrant parce que je disais une petite anecdote anecdote sur le film. Benoît Jacquot avait souhaité adapter donc cette œuvre de Mirbeau pour avoir un écho direct avec le climat sociopolitique actuel. Il trouvait que le livre lui donnait l'opportunité d'évoquer des questions d'actualité comme l'esclavage salarial, l'antisémitisme ou encore la discrimination sexuelle. Donc voilà, peut-être que sur une œuvre assez vieille, on pourra y voir une lecture contemporaine de la France et du monde. Voilà, je trouve que la bande-annonce m'a donné envie de le voir. J'aime bien Benoît Jacquot. Ouais. J'aime bien les Assez Doux. On a l'air de gros blaireux que notre naturel mouton. Non, mais il a l'air très bien aussi, c'est le mouton. Merci, Julien. Le 8 avril, vous avez sélectionné un autre film, tous les deux, en fait. Tous les deux le même, Lost River. Lost River. Bah ouais, bon, bah réalisé par Ryan Gosling. Ouais, c'est principalement ça, t'en avais déjà. C'est ça qu'on avait parlé, je crois, dans le précédent podcast, avec cette atmosphère assez particulière qui ressemble finalement à ce qu'on, au film dans lequel on avait pu le voir, à la Drive, finalement, les RFN. Je sais pas que j'ai pas envie trop d'en savoir sur l'histoire, etc., mais presque, en fait. Je me suis un peu préservé, je me suis un peu laissé emporter par la bande-annonce qui est effectivement assez énigmatique, fantomatique, et par cette belle réalisation, ma foi, de bonne facture, comme tu l'as dit, de Ryan Gosling. Une belle musique aussi, ouais. Encore un peu dans le style des Chromatiques, etc. D'ailleurs, je pense que c'est les Chromatiques qu'on doit entendre. C'est vrai que ça, quand tu vois la bande-annonce, tu penses un peu à RFN, aussi un peu à Lynch. Un peu à Lynch, on voit cette maison qui brûle, là, ça rappelle un peu à Le Flash Skyway. De couleur aussi, un petit peu. Et un peu aussi à Jeff Nichols, là, celui qui avait fait, comment ça s'appelle ce film, Mud. Ah oui, d'accord, oui, Mud, okay. Ouais, parce que ça a l'air quand même dans l'Amérique assez campagnarde, on va dire. Ouais, il y a des images assez sublimes, moi j'ai trouvé, là, quand t'as un jeune qui fait du bateau sur une sorte de lac avec une lumière qui dépasse, enfin tu comprends qu'il y a une ville engloutie en dessous, quelque chose comme ça. Ouais, je trouve que pour l'instant, il y a de l'ambition quand même. Moi, ce qui me donne envie, c'est que tout ce qu'on a vu, c'était que d'un côté esthétique, en fait. Ouais. C'est-à-dire que l'affiche est magnifique. Tout ce qu'il y a, la police, les couleurs, la photographie, je trouve qu'il y a un cachet dans le film qui donne envie d'aller voir le film. Alors, si je trouve, le film il va être raté, ça va être un film prétentieux, une sombre merde, ou je sais pas. Mais je trouve déjà ce qu'il en a mis en avant dans les bandes annonces et dans tout ce qui est affiche, ça m'a donné envie. Ouais, le film est présenté, je note ça, je vois ça dans mes notes, j'avais oublié, présenté dans la catégorie Un certain regard à Cannes. Effectivement. Je sais pas du tout la queue qu'il avait eue pour le coup. Ouais, moi, je sais pas non plus, mais. Ça m'a donné envie, Bon. Lost River, le 8 avril. Ouais. Et toi, t'en avais pas sélectionné le 8 avril ? Non, j'avais vu la bande-annonce de Lost River et ça m'avait semblé prétentieux. C'est vrai qu'il y a très chiant. Ah ouais ? Comme dit Julien. C'est le risque, mais voilà. On sait pas. J'ai l'impression que c'est un acteur qui refait les films dans lesquels il a joué. Donc. C'est un peu le ça peut être une bonne surprise. Il reprend un peu les acteurs avec lesquels il a joué, parce qu'on retrouvera Christina Hendricks de Mad Men, qui jouait déjà dans Drive, et Eva Mendes aussi, qui est sa femme et que. Très bien. Merci pour ce conseil ciné. Ainsi s'achève notre podcast pour cette semaine. Podcast nocturne. On est fatigué. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes. Vous tapez Upcast. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Nous en avons besoin pour notre visibilité. Ça nous fait plaisir aussi, surtout. Bien sûr. Nous avons un site qui s'appelle upcast.fr. Nous sommes toujours contents de recevoir des commentaires. Ouais, vous retrouverez le podcast chapitré aussi. Je voulais le rappeler. C'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit. Je sais plus au début. On l'a pas dit au début. C'est-à-dire que vous allez sur notre site et vous avez le podcast, vous l'écoutez en ligne et vous pouvez sauter d'une news à l'autre suivant votre intérêt, en fait. Ouais, exactement. Intérêt pour à la fois les gens qui font les news et intérêt pour on écrit qui parle au moment de la news. Non, mais on l'entend au début de la news. Toi, du coup. Tu vois, ça, je zappe. Il a trop parlé. C'est encore Stan, c'est pas possible. Allez, je zappe. Donc, upcast.fr, les commentaires nous font plaisir et on prend le temps d'y répondre à chaque fois. Ouais. Et bien sûr, sur Twitter, @upcastfrance. Ouais, ou sur lequel on va relancer encore un petit concours. Notre premier concours pour gagner un Amiibo a eu pas mal de succès. Donc bravo à la personne qui l'a gagné. Une gagnante. C'est une gagnante. J'ai oublié son pseudo, mais je avec un avatar de Peach. C'était bien. Exactement. Ouais. En plus, qui avait l'air d'être très contente, qui nous a vraiment remercié plein de fois. Donc ça fait plaisir. Et a reçu, on précise, son Amiibo. Qui a reçu son Amiibo, qui a retweeté une photo de chez elle par avec drone. Son Amiibo. On l'avait envoyé par drone. On n'était pas sûr. Donc voilà. Et donc là, on va remettre un petit concours pour le podcast 10 et on va faire gagner deux jeux Bessiège que j'avais conseillé dans le podcast dans le podcast 9. D'accord. Voilà, donc on va faire gagner ça pour le podcast 10, puis on aura même encore d'autres lots après pour le peut-être podcast 11. Ouais, après, on fera peut-être des concours aussi un peu internes pour faire gagner quand même les gens les plus fidèles. Ouais, peut-être par système donc, de commentaires. Greg Bessiège, tu veux le faire sur Twitter aussi? Oui, on va le faire sur Twitter. On teste encore cette formule-là pour cette fois avec les follow RT habituels. Donc vous allez voir sous votre flux Twitter Upcast apparaître la photo du jeu et le concours. Je pense que ça créera moins de folie qu'un Amiibo qui a déchaîné les passions sur Twitter. C'était hallucinant, on a eu genre 200 retweets, c'était n'importe quoi. Ah les Amiibo, c'est la folie. Ah ouais, non, incroyable. Si demain ils annoncent une nouvelle vague, ça va être la folie. Ah bah putain, je les achète tous. Eh bien, en attendant, on vous donne rendez-vous à dans 2 semaines, c'est-à-dire aux alentours du 15 avril. Voilà. Voilà. Si tout se passe bien. On vous souhaite une le bonne... matin, on espère. Le matin, oui, on espère aussi. On vous souhaite une bonne nuit si vous n'êtes pas encore couché. Il est tard là. Allez, hop, hop, hop. Comment vous nous écoutez d'ailleurs? On l'a pas encore mis en ligne. Alors, écoutez-le à la journée, ce n'est pas non plus complètement buté. Bon, allez, on dit déjà trop de bêtises. Et on réécoute quoi en fin de podcast? Oui, Julien. Ouais, on va écouter donc un extrait de la BO de Hotline Miami 2, Wrong Number. Et le morceau s'appelle Dust et c'est le groupe Moon. Super. Portez-vous bien. À dans 2 semaines. Salut. Salut. Salut.